Dans une production de Léon Ruth, consacrée à 10 jeunes filles dans un siècle, France Culture présente Marianne dans Hyménée, comédie en 4 actes d'Édouard Bourdet. Avec, dans l'ordre alphabétique, Marcel Alba, Lolé Bellon, France de la Halle, André Falcon, sociétaire de la Comédie-Française, Rosine Favet, Germaine de France, André Gire, Viviane Gosset, Catherine Hubeau, de la Comédie-Française, Jean-Pierre Leroux, Robert Moncade. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Veuillez écouter d'abord Marcel Capron, qui va vous parler de l'œuvre et de son auteur. Hyménée a été représentée pour la première fois au Théâtre de la Michaudière le 7 mai 1941. Je sais bien ce cas d'arbitraire, la classification théâtre de mœurs, drame psychologique, comédie poétique, et que la frontière n'est pas toujours rigoureuse entre les genres. Mais à relire la pièce d'Édouard Bourdet, on n'hésite pas à la classer. Il s'agit bien là, quoique l'étude des caractères n'en soit pas absente, il s'agit bien là d'un théâtre de mœurs. Et ces mœurs sont celles que le dernier cataclysme qui s'est abattu sur le monde a bouleversé, rejeté dans le passé et permis que nous déclarions « avant la guerre, ça n'était pas comme ça ». Qu'est-ce dans Hyménée qui porte particulièrement la marque de cette avant-guerre ? Eh bien, des scènes comme celle des préparatifs du mariage de Marianne et de Rémy, qui fait singulièrement penser à la pièce de Ionesco satirisant les mœurs bourgeoises, Jacques ou la soumission, où toute une famille presse la jeune épousée, la flaire, la renifle avec une impudeur gênante. Oui, précédant Ionesco dans cette voie, Édouard Bourdet avait brossé de main de maître le cruel tableau du cérémonial qui, dans la société grand-bourgeoise de l'époque, accompagnait alors un pareil événement. Compte et exposition des cadeaux, déballage de la lingerie la plus intime, avec les réflexions à la limite de la grivoiserie que cela suscitait, préparation de l'appartement dans la maison amie où se déroulerait la nuit de noces, champagne, langoustes et terrines de perdreau. Il y a dans tout cela, qui remplit presque entièrement le troisième acte d'Hyménée, le témoignage, irrécusable, il me semble, d'une survivance de ce qu'on a appelé la belle époque et que cette dernière guerre a balayé. Les conditions de vie ont changé et les jeunes veulent se marier plus simplement, j'allais dire plus pudiquement. Autre chose pourtant situe la pièce d'Édouard Bourdet, et la situe non pas dans l'à peu près des premières décennies du siècle, mais très précisément tout de suite avant l'an 40. C'est la figure de Marianne. Marianne, qui n'est plus la demoiselle encore romantique de Francis Jammes ou la demi-vierge déjà fort délurée de Marcel Prévost, mais plus libre de comportement et de parole que certaines de ses aînées et plus sage, plus réfléchie que certaines autres, la jeune fille, milieu de siècle, à égale distance de celle-ci et de nos petites affranchies de Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire, avec quand même tout ce que la jeunesse comporte de spontanéité, d'enthousiasme et de goût de vivre, c'est-à-dire le produit équilibré et charmant d'une éducation plus légère en contrainte, mais encore familiale et dirigée. Marianne est allée poursuivre ses études en Amérique, elle y a connu des garçons, et elle ne dissimule pas qu'elle s'est laissée faire la cour par eux. Pourtant, elle s'est gardée pure de corps et de cœur, pure et loyale au point de sacrifier son amour quand cet amour, dont elle n'a d'abord pas conscience pour l'homme qu'elle ne peut pas, qu'elle ne doit pas aimer, lui est révélé. Que son mariage de raison, loyal aussi, car elle n'a pas manqué d'éclairer son fiancé sur la nature exacte de son sentiment, devienne ensuite un mariage de cœur, le plus réussi des mariages, nous apparaît comme une justice et contente le spectateur. Il n'aurait pas pardonné à l'auteur de faire que cette Marianne, si fraîche et si saine, si franche et si nette, réaliste dans le meilleur sens du mot, ne soit pas heureuse. Elle le sera. À côté de Marianne, Édouard Bourdet a placé Agnès la paralytique, à qui son infirmité n'a pas permis d'avoir une vie de femme. Elle fut une jeune fille. Elle n'est pas encore une vieille fille. Elle aima et elle continue d'aimer. Vous verrez qui. La jalousie est le trait dominant de son caractère. Elle lui inspire son aigreur, sa malveillance à l'égard de la compagne de l'homme qu'elle aime, ses habiletés, ses ruses, ses manigances pour éloigner de lui celle qui pourrait l'aimer. C'est, avec Marianne, le personnage le plus intéressant de la pièce. Et toute la pièce est construite autour de ces deux figures, l'une claire et exquise, l'autre sombre et pitoyable. Mais les trois coups sont frappés. Il est temps que je vous laisse pénétrer dans le cercle de famille où, sous l'aspect de Lolé Bellon, Agnès et de Catherine Hubot, Marianne, vous allez les découvrir et les aimer. Le salon d'une maison à la campagne. Une tour qui flanquait une partie plus ancienne du bâtiment se trouve maintenant en partie incluse dans le coin droit. Un escalier de 4 ou 5 marches accède à un premier palier sur lequel ouvre une porte percée dans la tour, puis à un second palier où débouche une galerie desservant les appartements. La fenêtre est ouverte et le soleil entre dans la pièce. Agnès, dans son fauteuil mécanique, lit un roman. Madame Véron, assise devant la table à jeu, fait un puzzle. Jean-François, 14 ans, et Monique, 12 ans, venant du jardin, s'approchent à pas compter d'une des fenêtres. Jean-François est armé d'un roseau avec lequel il chatouille le cou de Madame Véron. Celle-ci, absorbée dans son puzzle, chasse à plusieurs reprises de son cou ce qu'elle prend pour un insecte pendant que Monique pouffe de rire dans sa main. Agnès lève les yeux, les voit, acquiesce en souriant au signe de se taire que lui fait Jean-François. Enfin, un éclat de rire mal contenu de Monique fait tourner la tête de Madame Véron, qui découvre la supercherie. Oh, c'est toi, brigand! Venez plutôt m'aider tous les deux, je n'arrive pas à finir le ciel. Les enfants enjambent la balustrade de la fenêtre, entrent dans le salon et Monique jette un coup d'œil sur le puzzle. Oh, c'est le cottage en Cornouailles! Merci bien! Quoi? Nous l'avons déjà fait 3 fois. Qu'est-ce que vous lisez, Agnès? Roman anglais. Comment ça s'appelle? Vanity Fair. Qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais que tu savais l'anglais. Bon, je sais bien un peu l'anglais, mais pas l'anglais littéraire. Ah, voilà. Eh bien, ça veut dire la foire aux vanités. C'est amusant? Oui. Juliette et Madame Daubarède paraissent en haut de l'escalier. Elles sont habillées, prêtes à sortir. Jean-François, Monique, vous êtes prêts? Oui, bien. Vos bicyclettes sont gonflées? Oui. Madame Daubarède s'est arrêtée à mi-étage et est entrée dans la chambre de la tour. Vous partirez devant et vous irez doucement pour ne pas vous mettre en nage. Jean-François, va voir si on a accroché la remorque à l'auto pour les bagages. Oui, elle y est. À quelle heure arrive le train? À 16h20. Ludovic, domestique, paraît. Monsieur demande madame au téléphone. J'y vais. Dis donc, Juliette, elle n'est pas là? Pierre vient de la demander au téléphone. Je trouve qu'il y a une drôle d'odeur dans la chambre de Marianne. Une drôle d'odeur? Oui, je ne m'explique pas ce que ça peut être. Dis-moi, Juliette, naturellement, Pierre ne peut pas venir à la gare. Pourquoi? Il y a quelque chose de dérangé dans la génératrice de Chanteloup. Il est obligé d'y aller. Oh, quel dommage. Oh, c'est comme ça chaque fois qu'il essaie de s'absenter de l'usine. Ça ne rate jamais. Oh, dis, maman, je pourrais conduire si papa vient pas. Tu es fou. Pourquoi pas? Premièrement, parce que tu ne sais pas conduire. Si, je sais. Et deuxièmement, tu n'as pas de permis. Oh, mais papa m'a laissé conduire l'autre jour pour revenir de la gare. Ne discute donc pas toujours, veux-tu? Quand ta mère a dit non, c'est non. Juliette, je voudrais que tu viennes une seconde dans la chambre de Marianne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je trouve qu'il y a une odeur bizarre. Pourquoi riez-vous? Oh, pour rien. Vous avez encore fait une farce sur Paris? Non. C'est bien sûr? Oh, non, elle n'a fait aucune farce. Mais ce sont ces fleurs qui sentent comme ça, c'est une horreur. Qu'est-ce que ça peut être? Ludovic! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'ail, madame. De l'ail? Mais enfin, qui a eu l'idée géniale de mettre de l'ail dans la chambre de Marianne? C'est vous? Oh non, c'est pas nous! Qui est-ce alors? C'est toi, maman? Comment? C'est toi qui as mis de l'ail dans la chambre de Marianne? Mais non, je n'ai pas mis d'ail. Si! Comment? C'est de l'ail? Oui! Tenez! Oh, je suis désolée. J'ai trouvé ça ce matin au marché. Ça m'a paru joli, alors j'en ai pris une botte. Mais tu n'as pas senti l'odeur? Non. Je suis confuse, vous savez. Mais il n'y a pas de mal, madame. Et vous, naturellement, vous le saviez. Et vous n'avez rien dit. Oh. C'est extrêmement spirituel. Ils mériteraient une punition pour leur bêtise. J'ai bien envie de ne pas vous emmener au vent de votre tante Maria. Oh, aussi. Je demande leur grâce, Juliette. C'est maman qui aurait dû savoir. Mais oui, excusez-moi. Mais vous n'avez pas à vous excuser, ma tante. Votre idée était charmante, au contraire. Oh, c'était bien peu de choses. Je dirai à Maria de la pensée que vous avez eue. Elle y sera très sensible. Je pourrais peut-être cueillir quelques glaïeuls dans le potager pour mettre à la place. C'est pas la peine, la chambre est déjà pleine de fleurs. Maintenant, partez les enfants, il est temps. Oh, dis-moi, tu veux pas que je t'amène l'auto devant la maison? Tu es bien aimable, mais je préfère aller la prendre moi-même. Bon. N'allez pas comme des fous et faites attention au croisement. Oui. Oui, qui? Oui, oui, grand-mère. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Les voilà. Ah, merci. Je ne vous gêne pas? Mais non, pas du tout. Tu sais qu'il va être 4 heures. J'en ai pour une seconde. Je veux mettre en passant un mot au Blénaud pour qu'il vienne déjeuner dimanche. J'ai promis au jeune Rémy de le prévenir quand Marianne serait là. Les Blénaud, ça me dit quelque chose. Lui est un camarade de promotion de mon pauvre mari. Il a pris sa retraite ici comme général. Ce sont des gens très comme il faut. Le jeune Rémy, c'est leur fils? Oui, c'est un camarade de tennis de Marianne. Ils jouaient ensemble au Racing. Un gentil garçon. De quoi s'occupe-t-il? Il est dans une affaire de ciment qui appartient à son oncle. Il réussit très bien, paraît-il. Eh bien, mais c'est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Je me demandais si vous ne pensiez pas que Marianne et lui pourraient... Oh, ça c'est une autre affaire. Oui, naturellement. C'est simplement un camarade de tennis. Oui. Rémy est très gentil, mais tout de même... Non, Marianne peut avoir un peu plus d'ambition. Bien sûr. D'ailleurs, elle n'a que 20 ans, vous savez. Nous avons le temps de penser aux choses sérieuses, Dieu merci. Oui, Dieu merci. Tu viens, maman? À tout à l'heure, Agnès. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Agnès, manœuvrant son fauteuil avec les mains, se dirige vers la fenêtre. Où vas-tu? Nulle part, je change de place. Veux-tu que je te mène faire un tour dans le jardin? Ce n'est pas la peine, je suis très bien ici. Bon, ça te changerait un peu, non? Ce n'est pas la peine, je te dis. Quelle idée bizarre t'as prise de rapporter ces fleurs. Moi, je pensais que ce serait gentil. Et puis, c'était pas cher. 10 sous, cette grosse botte. Tiens, pardi. Je suis sûre que ce sont ces charmants enfants qui ont organisé cette petite plaisanterie. Tu crois? Il y a des chances. Je me demande à quoi ils passaient leur temps avant de t'avoir pour te faire des niches. Oh, si ça les amuse. Bon, en tout cas, ça ne m'amuse pas. Que veux-tu? Oui, évidemment. Ce qu'il y a de drôle, c'est qu'elle croit les avoir bien élevés. D'ailleurs, puisqu'ils sont à elle, puisqu'ils sont ses enfants, ils peuvent être que ce qui se fait de mieux dans le genre. De même que sa maison ne peut être que la mieux tenue, son auto la plus pratique, sa mère la plus remarquable et son mari le plus fidèle. Ça, il l'est, non? Il l'est. C'est ce qu'il y a de plus bête dans l'histoire. Pauvre Pierre. Puisqu'ils sont heureux, c'est l'essentiel. Heureux? Tu ne crois pas qu'ils sont heureux? Je crois qu'elle est heureuse, oui. Comment ne le serait-elle pas, avec une pareille certitude en toute chose? Mais lui, c'est une autre question. Il a l'air de bien s'entendre avec elle. Un être comme lui s'entend bien avec tout le monde. Je pense qu'il s'ennuie à périr. Oh, il te l'a dit? Mais non, il ne me l'a pas dit. Pierre ne parle jamais de lui, tu le sais bien. Il suffit de le regarder. Tu trouves qu'il a l'air heureux? Il n'est jamais très gai, évidemment, mais ça, c'est sa nature. C'est sa nature. Comme enfant non plus, il n'était pas très gai, souviens-toi. Mais ce n'est pas la même chose, c'était peut-être un enfant rêveur. Maintenant, il est franchement triste. Il a l'air de ne plus rien attendre de la vie. À son âge, c'est un peu tôt. Ce n'est peut-être pas de sa faute. À elle? À qui, alors? La vérité, c'est qu'elle n'a jamais rien compris à lui. Est-ce qu'elle aurait dû le laisser s'enterrer ici, d'un bout de l'année à l'autre? Avec pour toute distraction un métier qu'il n'aime pas? Tu crois? Mais j'en suis sûre. Pierre n'était pas du tout fait pour ça, c'est un artiste. Il fallait le laisser continuer à faire sa peinture. Oh, il y a la question matérielle. Il aurait peut-être eu moins d'argent, mais il aurait été plus heureux. C'est possible. C'est sûr. En tout cas, nous ne devons pas oublier qu'elle a été très gentille avec nous. En quoi a-t-elle été gentille? Mais en nous proposant de venir nous installer ici pour le temps que nous voudrions. Tu crois que c'est elle qui a eu cette idée? C'est Pierre, voyons. Il n'y aurait même pas pensé. Même si c'est Pierre, elle pouvait refuser. Non, justement, elle ne pouvait pas. Pourquoi? Après tout ce qu'il faisait pour sa famille à elle, et pour sa mère en particulier, il lui était difficile de l'empêcher de venir en aide à sa famille à lui. Oh, c'est pas tout à fait pareil, moi je ne suis que sa tante. Alors, rappelle-toi comme papa avait été bon pour eux autrefois. Ça, c'est vrai. Chacun son tour, ça c'est naturel. Mmh. Ce n'est pas si naturel que ça. D'ailleurs, je ne dis pas de mal de Juliette. Je dis que son mari s'ennuie à périr auprès d'elle, voilà tout. Et entre nous, il y a de quoi. Je te trouve sévère. Ah. Et sa mère, tu la trouves amusante, peut-être? Oh, amusante, ce n'est pas le mot, mais enfin... Quoi? Ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'elle est vice-présidente de je ne sais quelle société féministe? Ça ne me paraît pas tout à fait suffisant comme raison. Enfin, c'est une femme qui pense, qui réfléchit. Ce rapport qu'elle nous a lu l'autre soir... Eh bien, c'était intéressant. Je t'avoue que je n'ai pas très bien écouté. Moi non plus, mais ça m'a semblé intéressant. Un petit peu long, peut-être. Oui, un petit peu. En tout cas, elle n'a pas mauvaise opinion d'elle, ni de sa famille, elle non plus. Tu as entendu la façon dont elle m'a reprise à propos du jeune homme? Quel jeune homme? Ce jeune Blénaud qui doit venir déjeuner avec ses parents et qui est un ami de Marianne. J'ai eu le malheur de demander si c'était un fiancé possible. Alors, tu as vu comme je me suis fait rembarrer? Bon, tout de même, Marianne peut avoir plus d'ambition que ça. Une Daubarède épouser un Blénaud, vous ne voudriez pas. Ça voulait dire en passant, n'oubliez pas l'honneur qu'a fait ma fille aînée à votre cousin en l'épousant. Mais elle n'était pas Daubarède, elle. Ça ne fait rien, elle est devenue par contagion quand sa mère s'est remariée. Dieu sait qu'elle a eu du mal à l'épouser, son Daubarède, celle-là, à ce qu'il paraît. Qu'est-ce que tu racontes? Il en était fou. Il en était peut-être fou, mais sa famille à lui ne voulait pas entendre parler du mariage. C'était des gens très collés-montés. L'idée que leur fils épouse une femme divorcée, qui avait déjà une fille de 14 ans, ne leur plaisait pas du tout. Il n'en voulait à aucun prix. Alors elle a joué le tout pour le tout. Il en est résulté Marianne, et la famille a cédé. C'est vrai, je me souviens qu'on avait dit ça. Parbleu! Elle est née à peine 6 mois après le mariage. On a raconté que c'était le climat du sud tunisien. Il y avait bon dos, le climat. Oh, ce qui est sûr, c'est qu'elle était bien jolie. Je la vois encore au mariage de Pierre, dans une robe bleu clair avec de la fourrure. Elle était ravissante. Oh, tu m'agaces quand tu dis des choses comme ça. Elle n'était pas ravissante, elle était bien habillée, c'est tout. Oh, pas seulement bien habillée. Mais je t'assure que je me souviens du mariage de Pierre, dans tous ses détails. Elle avait une robe qui faisait de l'effet, tout simplement. Seulement à force d'entendre Juliette répéter « Maman, qui a toujours été si jolie, maman, qui était la plus jolie femme de sa génération », tu as fini par le croire. C'est comme pour Marianne, je suis curieuse de voir si elle est devenue aussi irrésistible qu'elle le dise. Elle est très jolie sur cette photo. Enfin, nous allons bien voir. Ah, voilà Pierre. Il n'est donc pas allé à la gare? Non, tu n'écoutes jamais rien. Maman? Oui? Sois gentille, laisse-moi seule avec lui, veux-tu? Tu as quelque chose à lui dire? Ça me fait plaisir de pouvoir bavarder un peu tranquillement avec lui. Ça ne m'arrive pas si souvent. Nous ne sommes jamais seuls. Bon, je m'en vais. J'espère qu'on ne finira pas mon puzzle. Oh, mais non, sois tranquille. Tu m'appelleras si tu as besoin de quelque chose. La fenêtre de ma chambre est ouverte. J'entendrai. Oui, merci. Vous partez, tante Cécile? Je vais un petit moment dans ma chambre. Je reviendrai quand j'entendrai l'auto. Bon. Ce n'était pas grave, cette panne de génératrice? Si, mais je n'y pouvais rien. Il faut attendre que le constructeur envoie quelqu'un. Résultat, une demi-journée de perdu pour les ateliers. J'en ai profité pour venir respirer un peu. Oh, il fait une chaleur dans mon bureau. Pauvre. Il y a longtemps qu'elles sont parties? 10 minutes. C'est dommage que tu n'aies pas pu aller à la gare. Bon, il y a des choses plus graves. Je voulais te demander, Pierre. Tu es sûr que nous ne vous gênons pas en restant encore quelque temps? Mais non, voyons, quelle idée! Il s'installe à la place de Madame Véron et se penche sur le puzzle. C'est tellement gentil de ta part de nous recueillir comme ça. Ah, dis pas de bêtises, veux-tu? Tu ne peux pas savoir ce que c'est pour moi d'être ici avec vous. Avec toi. Vous nous faites plaisir, tu le sais bien. Comme tu es bon, Pierre. Oh, quelle erreur! Je suis pas bon du tout. Tu n'es pas seulement bon, mais c'est ta façon de l'être. Je ne connais personne d'aussi délicat que toi. Je ne suis ni bon ni délicat et j'ai horreur à parler de moi. Oui, je sais. Mais j'ai si rarement l'occasion de te remercier. Oh, j'ai horreur aussi qu'on me remercie. Surtout pour une chose aussi naturelle. Bon, eh bien je ne te remercie pas. Je voudrais seulement que tu saches combien je t'admire, Pierre. Tu m'admires? Tu ne peux pas savoir à quel point. Ah, voilà une idée. Je t'assure que je ne mérite guère. Je t'ai toujours admirée. Même à l'époque où je n'étais qu'une petite fille. Où tu étais si méchant avec moi quand tu venais passer tes vacances à la maison. J'étais méchant? Ce que tu as pu me faire souffrir. Non. Je passais la moitié de mes nuits à pleurer dans mon lit. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je faisais? Oh, rien. Tu ne faisais pas attention à moi, voilà tout. Moi, je vivais suspendue à chacun de tes regards. J'étais en adoration devant toi. Pas possible. Tu ne t'en es jamais douté. Jamais. Mais à ce moment-là, je t'admirais sans savoir parce que je te trouvais beau, probablement. Tandis que maintenant... Oui, maintenant, c'est pour ma belle âme. Maintenant, je te trouve toujours beau, mais je sais en plus qu'il y a en toi de noble, de merveilleux. Non, mais tu as fini de te payer ma tête. Hein? Tu ne me crois pas? Oh, en tout cas, tu te fais de grandes illusions sur moi, je t'en préviens. J'ai peur de les décevoir un jour ou l'autre. Ça m'étonnerait. Alors, tu ne te doutais pas que la petite Agnès t'adorait? Non, je t'assure. Mais la grande Agnès, tu as compris qu'elle t'aimait, celle-là. Dis. Comment cela? Tu ne vas pas me dire que tu ne l'as pas compris? Pierre hésite une seconde et se penche à nouveau sur le puzzle. Mais tu peux bien me répondre. Quelle importance tout cela a-t-il maintenant? Une fois, je me le suis demandé. Quand? Le jour où je suis venu annoncer mes fiançailles à tes parents. Tu étais là? Puis brusquement, tu as disparu du salon. Je ne t'ai plus vu. Et je me souviens très bien que quand ta mère est allée te chercher pour me dire au revoir, on n'a jamais pu te trouver. J'avais eu la force d'aller jusqu'à ma chambre. Et là, je suis tombée évanouie. Non. Quand je suis revenue à moi, j'ai été prise de terreur à l'idée qu'on allait me voir dans cet état et comprendre. Alors je suis sortie, j'ai couru dans les rues comme une folle, je ne sais pas où, pendant des heures, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'avais encore mes jambes, heureusement, à cette époque-là. Ma pauvre Agnès. C'est drôle, n'est-ce pas? C'est pas drôle. C'est très émouvant. Je m'étais toujours promis de te raconter ça. Mais depuis que nous sommes ici, je n'en ai jamais eu l'occasion. Nous sommes si rarement seuls. Je suis navré, tu sais. Oh, bien, ce n'est pas de ta faute. Tu as eu beaucoup de peine? Beaucoup. Longtemps? Très longtemps. Seulement quand j'ai eu ma maladie, ça n'a plus été pareil. C'était plus la même peine. J'étais même soulagée en pensant à la catastrophe à côté de laquelle j'étais passée. Faut-tu que mon rêve se soit réalisé et que tu sois devenu le mari d'une paralytique, tandis que tout a été pour le mieux, en somme. Je me dis ça tous les jours où j'ai un peu trop de cafards. Je me dis, tu n'as pas eu beaucoup de chance dans la vie, mais tu as tout de même eu celle-là, qu'il ne t'ait pas aimée. Ça, ça aurait été affreux. Mon pauvre petit. Je ne savais pas. Je ne me doutais pas. Si. Un peu. Je n'étais pas sûr, en tout cas. Je ne me doutais pas que ça avait été aussi sérieux. Maintenant que je te l'ai dit, c'est fini. On ne parlera plus. Plus jamais, n'est-ce pas? Mais non. Plus jamais. Merci. Elle s'essuie les yeux et voit le puzzle qu'il est en train d'achever. Oh! Quoi? Et maman qui était si préoccupée qu'on ne finisse pas son puzzle. Allons, bon, mais attends, il n'y a qu'à le défaire. Comme la tapisserie de Pénélope. Exactement. Elles ne vont plus tarder maintenant. Si le train n'a pas eu de retard. Hein. Il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vue, Marianne? Ça va faire 2 ans. Elle est partie pour ce collège près de Philadelphie au mois de septembre. Et depuis, elle est restée là-bas? Oui. Elle n'est pas revenue l'été dernier pour les vacances? Non. Beaucoup d'élèves passent l'été ensemble dans un camp près d'un lac. Elles mènent une vie de grand air, elles font du sport. Marianne a voulu connaître ça. Et maintenant, elle revient définitivement? Oh, je pense, oui. Elles étaient déjà installées ici, elle et sa mère, avant l'Amérique? Depuis 1 an, oui. Ta belle-mère n'a plus son appartement à Paris? Non, c'était un peu lourd pour elle, elle a été obligée de le lâcher. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elles sont venues s'installer ici. Oui. Quelle femme remarquable que ta belle-mère. Oui, elle est intelligente. Vous vous entendez très bien, elle et toi. Très bien. C'est une chance. Oh, il suffit que chacun y mette un peu du sien dans ces cas-là. Naturellement. Puis elle doit avoir pour toi une telle reconnaissance. Pourquoi ? Il n'y a pas beaucoup de gendres comme toi. Elle s'en rend certainement compte. Ça, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup d'estime pour elle. C'est une femme qui a pas mal souffert dans la vie et qui a eu du courage. Oui, je sais. Son premier mari, le père de Juliette, l'a abandonnée en la laissant à peu près sans rien. Le second, le père de Marianne, s'est tué en avion au-dessus du Sahara. Elle a tenu le coup, avec beaucoup de cran. Oui. Malgré tout, je ne la trouve pas tellement à plaindre. Elle a deux filles charmantes, des petits-enfants délicieux. Grâce à toi, tout ce monde-là est heureux. On ne peut guère demander plus à la vie. Enfin, je voulais dire qu'autrefois, elle avait eu des moments durs. Ça, qui n'en a pas. Ah, bien sûr. C'est déjà beaucoup d'assister au bonheur de ceux qu'on aime. C'est vrai. Toi aussi, tu es heureux. N'est-ce pas, Pierre ? Moi ? Mais oui. Ah bon ? Parce que ce serait vraiment trop affreux pour moi si tu ne l'étais pas. Me rassure-toi, je suis très heureux. Tant mieux. Je te demande ça parce que j'ai l'impression quelquefois que tu es un peu triste. Triste ? Oui. Il ne te manque rien ? Rien. Si ! C'est vrai ? Qu'est-ce qui te manque ? 5 ou 600 000 francs de fonds de roulement supplémentaires pour avoir des fins de mois tranquilles. Ah oui. Mais au point de vue sentimental, il ne te manque rien ? Absolument rien. À la bonne heure. D'ailleurs, il n'y a qu'à vous regarder, Juliette et toi, pour voir que vous vous adorez. Et oui. Et elle fait bien de t'adorer. Elle aurait affaire à moi si elle ne t'adorait pas. Pauvre Juliette. Non, non, elle m'aime bien. Et moi aussi, je l'aime de tout mon cœur. C'est quelqu'un de bien. De très bien. Une épouse, une mère. Je ne parle pas de la maîtresse de maison. Oh, elle est parfaite. Parfaite. Tu ne t'ennuies jamais. Tu sais, avec une usine sur les bras, par le temps qui court, on a suffisamment d'embêtements pour ne pas s'ennuyer. C'est vrai. Ça doit être terrible, une vie comme la tienne. Oh, il y en a de pire. Bien sûr, mais toutes ces responsabilités, tous ces tracas. Tu ne regrettes pas quelquefois ta peinture ? Oh, ma peinture ? Tu avais tant de talent ? Mais non, je n'avais pas de talent. Oh, ne dis pas bon, ça. Bon, j'avais tout juste un joli talent d'amateur. Et encore. Et ça ne suffit pas. Moi, je regrette que tu n'aies pas continué. Eh bien, je serais dans le beau drap si j'avais continué. Il me semble que j'entends la voiture. Je m'en vais. Pourquoi ? Je vais rejoindre maman. Nous reviendrons un peu plus tard. Mais c'est stupide, reste donc là. Non, non, c'est mieux, je t'assure. Je ne peux pas te dire, Pierre, la joie que m'a faite cette conversation. C'était si douce. Enfin, comme autrefois. Ça ne t'a pas trop ennuyé ? Mais tu es belle, mais ça m'a fait plaisir, au contraire. C'est vrai ? Alors j'ai du bonheur pour longtemps. Va vite au devant de ta belle-sœur. Ça n'aurait pas l'air gentil. Pas vu avec les autres sur le quai de la gare. J'étais déçue. Tu peux pas savoir ce que j'étais déçue. On m'a téléphoné de Chanteloup qu'il y avait un accident à la génératrice. J'étais obligée d'y aller. Il fallait y aller plus tard et ne pas me causer cette déception. Ah, et voilà. Mais parfaitement. Enfin, je te pardonne. Parce que je suis trop contente d'être ici. Laisse-moi regarder la chère maison. Ce qu'elle m'a manqué là-bas. Tu te plaisais donc pas dans ton collège ? Si. Mais ça n'empêche pas d'avoir quelquefois le mal du pays. Toi aussi, tu m'as manqué, tu sais. Quelle blague. Puisque je te le dis. Pas trop abîmé, mon beau-frère se défend. Coup-ci, coup-ça. Comment la trouvez-vous, Pierre ? À quel point de vue ? À quel point de vue ? Au point de vue physique, bien sûr, le seul qui compte. Affreuse ! N'est-ce pas ? Un peu engraissée, on dirait. C'est du muscle. Je n'ai pas un reproche, au contraire. Vous n'avez rien vu ? Attendez la prochaine douche sur la pelouse en costume de bain. Ça continue, j'espère, les douches sur la pelouse. Oh, ma foi, non, nous n'y avons plus pensé. Oh, mais j'y tiens absolument! Vous verrez un peu ces abdominaux. Je ne parle pas du reste. Oh, ce que je suis contente, maman chérie. Ce que je suis contente d'être ici. Viens voir ta chambre. Où est-ce qu'on m'a mise? Dans la tour. Oh, quelle chance! Oh, toutes ces fleurs! Oh, c'est trop gentil! Où est Marianne? Dans sa chambre. J'y vais. Elle a gagné pendant ces 2 ans, vous ne trouvez pas, Pierre? Beaucoup. Quel entrain, quel appétit de tout. Je ne sais pas si c'est l'air d'Amérique, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ah oui? Je suis tout de même contente qu'elle soit revenue. C'est trop long, 2 ans. Où sont donc Agnès et sa mère? Elles se sont retirées chez elles, par discrétion. Par discrétion? Quelle idée. Mais c'est ce que j'ai dit. C'était des fleurs qu'elle avait achetées au marché. Des fleurs à l'ail? Oui. Ça plaît. Alors, elle te plaît, ta chambre? Oh, ce que je vais être bien! Ça me changera de ma tourne de Farmington. C'était pas confortable? Oh, tu sais, pour ce que j'y restais. Tiens, un puzzle. Ça me rajeunit. Oh, mais il me semble que je le connais, celui-là. Tu penses? C'est le cottage aux Cornouailles. Il y a plus de 3 ans qu'on l'a. Attends, je suis fantastique au puzzle, tu vas voir. En voilà déjà. Ah hein? non, il faut pas le finir, c'est réservé à tante Cécile. Tiens, mais au fait, pourquoi ne sont-elles pas là? Ah, elles n'ont pas voulu être indiscrètes, elles sont allées dans leur chambre. Oh, mais il faut aller les chercher. Tout à l'heure. Ah, je vais vous jouer les derniers blues de Broadway. Oh, oui, c'est ça. Avec Rémi Blaineau, en tout cas. Je les ai invités à déjeuner. Oh, ce vieux Rémi, il est ici? Oui, il est en vacances à la Grangette. Oh, ça me fera plaisir de le revoir. C'est ce que j'ai pensé. Et toi, tu n'es pas content, Pierre, de me revoir? Pas du tout. Répète ça. Répète ça un peu. Ah, je vous préviens que j'ai l'habitude qu'on soit extrêmement gentil avec moi. Ah oui? Je ne vous cacherai pas que là-bas, j'étais fort populaire. Ainsi, quand j'honorais une réunion de ma présence, j'avais immédiatement un cercle autour de moi. Ah, Jean-François, veux-tu aller chercher Ludovic, la femme de chambre et la cuisinière pour faire le cercle autour de Maria? Brut! J'ai peur que nous ne soyons pas assez nombreux. Tenez, voilà du renfort. Qui est-ce? Rémi, il arrive à bicyclette. Non! Oh! Ouais, voilà ce qui s'appelle l'empressement. Hé non, Rémi! Il faut que je retourne au bureau. Tu n'attends pas le thé? Non, j'ai du courrier à signer. Bonjour Rémi. Bonjour madame. C'est gentil d'être venu tout de suite. Ma mère a reçu votre lettre, elle vous remercie beaucoup. Vous venez, j'espère. Mais oui madame, avec grand plaisir. Apportez vos raquettes Rémi. Bien sûr. Où vas-tu? Travailler. Oh non. Non, il le faut, j'ai du courrier qui m'attend. Eh bien, il attendra. Non, c'est sérieux, laisse-moi passer. Mais non, je te laisserai pas. Voyons Marianne, n'ennuie pas Pierre s'il a à travailler. Mais il peut bien rester un peu, je l'ai à peine vu. Eh bien, viens avec moi. Je peux? Que la porte du bureau pas plus loin, hein? Entends-tu? Vous m'excusez, Rémi. Mais enfin, Marianne, tu ne peux pas t'en aller juste au moment où Rémi arrive pour te voir. Mais ça n'a aucune importance. Mais non, aucune importance. 5 minutes, vous m'attendez, Rémi? Je ne sais pas si... Oui, vous m'attendez. Et ne dites pas de mal de moi. Je commence à croire que l'Amérique lui a monté à la tête. Comment vont vos parents, Rémi? Très bien, madame, merci. Je crains d'avoir été indiscret en venant aujourd'hui. Mais non, voyons, c'est très gentil de votre part, au contraire. Quand Marianne est-elle arrivée? Il y a une demi-heure. Ah, j'avais compris d'après votre lettre qu'elle était là depuis 1 ou 2 jours. Je n'aurais pas dû venir. Mais si, vous êtes stupide, vous tirez de mi. Vous direz à ces dames que le thé est servi. Bien, madame. Voulez-vous une tasse de thé, Rémi? Quelque chose de froid? Je veux bien du thé, merci, madame. Elle a fait une bonne traversée? Excellente, une mer d'huile, paraît-il. Est-ce qu'elle a l'intention de retourner là-bas? Ah non, c'est fini. Ah. 2 ans, ça suffit. Vous resterez ici cet hiver? Si Pierre et Juliette veulent bien nous garder. Ils veulent bien. Mais j'irai tous les mois à Paris pour les réunions de mon comité. Et Marianne en profitera pour voir un peu ses amis. Nous vous préviendrons à l'avance. Je vous remercie, madame. Agnès et madame Véron paraissent. Ah, voici ces dames. Voulez-vous que je vous pousse, Agnès? Non, merci, je m'en tiens toute seule. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Rémy Blénaud, maintenant. Monsieur? Ma cousine. Bonjour, monsieur. Madame. Mais Marianne n'est pas là? Elle est allée accompagner Pierre jusqu'à son bureau où elle va revenir. Elle a une telle passion pour son beau-frère qu'elle ne voulait pas le quitter. Comme c'est gentil. Voilà votre thé, ma tante. Merci. Vous êtes un grand joueur de tennis, paraît-il. Oh, non, pas du tout. Je suis un joueur très, très moyen. Je suis sûre que vous êtes trop modeste. Oh, non, vraiment. Du reste, maintenant, je ne joue plus jamais. Je n'ai pas le temps. Est-ce que Marianne a joué en Amérique? Je pense, mais elle ne parlait pas de tennis dans ses lettres. Elle parlait surtout de natation. D'ailleurs, elle a dû vous le dire. Vous avez correspondu, non? C'est-à-dire que moi, je lui ai écrit assez régulièrement. Elle répondait quelquefois. Pas souvent. Elle a toujours été une très mauvaise correspondante. Oh, elle ne m'a pas écrit plus de 4 ou 5 fois en 2 ans. Elle envoyait chaque semaine quelques lignes à maman pour dire qu'elle allait bien. De temps en temps, une lettre à Pierre, et c'est tout. Vous êtes des amis d'enfance, elle et vous, je crois. Oui, enfin, presque. C'est surtout au Racing que vous vous êtes vus, n'est-ce pas? Oui, et puis nous avions pas mal d'amis communs. Les grands Pierre. Oui, les grands Pierre, les Meurice, les Colombiers. Nous formions un petit groupe sympathique qui se retrouvait le dimanche après le dîner. Nous allions en général au cinéma ou bien on dansait chez l'un, chez l'autre. Ah oui, c'est vrai. Le fameux club du dimanche. Ça n'a pas continué? Oh, si, si, je crois. Seulement, moi, je n'y ai plus été. Ça a dû vous manquer quand Marianne est partie pour l'Amérique? Oui. Encore assez, oui. Oh, mais Rémy est devenu quelqu'un de très sérieux maintenant. Il travaille beaucoup, n'est-ce pas? Bah, il faut bien. Et je sais que votre oncle est très content de vous. On me l'a dit. J'espère qu'il s'arrête quelquefois de travailler. Le dimanche, par exemple? Même le samedi après-midi, on fait la semaine anglaise chez mon oncle. Alors, qu'est-ce que vous faites pour vous distraire? Bon, ben, tantôt je viens ici pour voir mes parents, tantôt je reste chez moi, à lire. Alors, plus de danse, plus de cinéma? Pas souvent. Vous préférez la solitude? Oui. C'était pas très gai à votre âge. Quel âge avez-vous? 23 ans. 3 ans de plus que Marianne? Oui. Je me demande ce qu'elle peut faire. Il n'y a pas si loin d'ici, au bureau. Tu devrais envoyer un des enfants à bicyclette lui dire de se dépêcher un peu. Je vais voir si je les trouve. C'est pris là-bas, cette photo? Oui, c'est un bal costumé au collège. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas? Ah, moi, je trouve que ça ne lui ressemble pas. Elle est bien jolie, en tout cas, sur cette photo. Vous trouvez? Pas vous? Non, non, non, je trouve que ce n'est pas elle. Si je comprends bien, vous préférez l'original. Ah oui. Ah oui, il a bien dit ça. Elle m'avait promis de m'envoyer une photo quand elle est partie pour l'Amérique, mais je n'ai rien reçu. Ça ne m'étonne pas. Les promesses de Marianne, vous savez, il ne faut jamais y attacher trop d'importance. Ne regrettez pas la photo, elle vous aura peut-être déçue, comme celle-ci. Peut-être. Le souvenir vaut quelquefois mieux qu'une image, vous ne croyez pas? Ça dépend de l'image. Et du souvenir. Aussi. Le mieux, c'est d'avoir les deux et de corriger l'un par l'autre. C'est peut-être votre cas, non? Comment? Vous n'avez pas une petite photo de Marianne dans votre portefeuille? En cherchant bien, non? Je vous trouve bien indiscrète, Agnès. Pardon, excusez-moi. Pourquoi voulez-vous que ce garçon ait une photo de Marianne dans son portefeuille? S'il devait avoir sur lui le portrait de toutes les jeunes filles avec qui il a joué au tennis, ce serait bien encombrant. Il aurait pu faire un choix. Alors, ce serait compromettant pour celle qui l'aurait choisi. Et je suis sûre qu'il n'est pas homme à risquer cela, même sans le vouloir. Je plaisantais, madame. Bien entendu. Mais il y a des sujets sur lesquels il est préférable de ne pas plaisanter. Vous ne trouvez pas? Vous avez tout à fait raison. Ça risque de créer des malentendus et ensuite de faire du mal. Eh bien, est-ce qu'elle arrive? J'ai été jusqu'au portail pour voir si je ne l'apercevais pas sur la route. Personne. Elle a dû entrer au bureau, se mettre à bavarder avec l'un, avec l'autre et oublier que Rémy l'attend. Ça lui ressemble assez. Bon, eh bien, je vais être obligée de partir. Vous ne l'attendez pas? Ah non, non, il faut que je rentre. Oh, elle va être désolée, vous savez. Au revoir, madame. Au revoir, Rémy. Alors, à dimanche? C'est ça, à dimanche. Sans faute, n'est-ce pas? 1 heure le déjeuner. Bien. Au revoir, madame Véron. Rémy Blénaud, vous dites au revoir, ma tante. Oh, pardon. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Mais vous allez peut-être la rencontrer, d'ailleurs. Peut-être. Je m'excuse de ce que j'ai dit tout à l'heure, ma chère Agnès, mais j'ai jugé cela nécessaire. Mais oui, naturellement. Je comprends très bien. Je trouve inutile de laisser ce brave garçon se faire des illusions. À quel propos? À propos de Marianne, j'ai dû arrêter Agnès qui cherchait à lui faire avouer qu'il avait une photographie d'elle dans son portefeuille. Ah, est-ce qu'il en avait une? Non, je n'en sais rien. Je ne veux pas le savoir. Je crois qu'il en était un peu amoureux avant qu'elle ne parte. Mimi de Grandpierre m'a raconté qu'il y avait eu une dispute entre son frère et lui à propos d'une place de cinéma. C'est possible. Mais même s'il a eu autrefois un petit sentiment pour elle, comme je n'ai pas l'impression que ce sentiment soit partagé par Marianne, et comme je n'ai d'ailleurs pas le désir qu'il le soit, j'ai pensé qu'il valait mieux le mettre en garde contre des chimères. Je ne sais pas s'il l'a compris. Il me paraît difficile qu'il n'ait pas compris. Eh bien, il saura à quoi s'en tenir. C'est ce qu'il faut. Tu n'es pas de mon avis, Juliette? Mm-hmm. Est-ce que tu ne trouves pas que Marianne devrait écrire à Mimi de Grand-Pierre pour lui proposer de venir avec son frère passer le week-end? J'y avais déjà pensé, je dirais. Et comme j'ai l'intention d'emmener Marianne à Paris vers la fin de ce mois, je demanderai à leur mère de nous recevoir à déjeuner. Nous arrangerons ça. Très bonne idée. Ah, oh, les voilà. Qui? Marianne, Pierre et les enfants. Eh bien, qu'est-ce que tu as fait? Voilà! Nous avons décidé de faire une partie de tennis. Où est Rémi? Mais il est parti. Comment il est parti? Mais il t'a attendu un bon moment et comme tu ne venais pas, il est parti. Mais quel idiot! Juste au moment où on allait avoir besoin de lui. Tu pourrais venir dire bonjour à tante Cécile et à Agnès. Oh pardon, je ne les voyais pas. Elle enjambe la balustrade pour entrer. Bonjour madame. Bonjour ma chère petite. Bonjour Agnès. Vous me reconnaissez? Pas très bien. Bonjour, Marianne. Qu'elle est jolie. Comment allez-vous? Vous allez mieux? Oui, oui. Les deux enfants ont suivi Marianne. Je croyais qu'on vous avait défendu une fois pour toutes d'entrer par la fenêtre. Oh, mais Marianne l'a fait! Marianne a eu tort. C'est pas une raison pour l'imiter. Je ne ferai plus, pardon. J'étais ravie, Agnès, quand j'ai appris que vous étiez ici. J'avais tellement envie de vous connaître. Car enfin, nous ne nous connaissons pas du tout. Pas du tout. Nous allons rattraper ça. Tu n'as pas été très polie avec Rémi Blaineau, Marianne. Mais puisque je lui avais dit de m'attendre... Il a trouvé que ça durait un peu trop longtemps. Je vous explique que nous avons décidé avec Pierre de faire un tennis. Nous avons décidé. C'est toi qui as décidé ça. Alors je me suis dit que si on laissait Pierre dans ses papiers, on ne l'enverrait pas avant le dîner. Ça fait que j'ai attendu. Je me suis sagement assise dans le bureau. En mettant du désordre partout. C'est pas vrai. Et quand il a eu signé assez de lettres, je l'ai emmené. Il laissant la moitié de mon courrier en panne. Tu me dis que le reste pouvait attendre. Ce qui peut être menteur, ton mari. Mais comment on va jouer sans Rémi? Oh, ben et moi? Tu sais, c'est déjà pas très drôle de jouer avec Jean-François, mais oh, toi? Oh, ben je l'ai battu. C'est vrai? Je lui rendais 30 à part ça. Enfin, je veux bien faire un essai. Monique et moi, contre Fontaine, père et fils. Bon, d'accord. Allez, allez. Allez mettre vos sandales. Oui, oui. Et après le tennis? Quoi, après le tennis? Oh, Marianne! Ah! Après le tennis, grande séance de douche sur la pelouse. Oui, d'accord. C'est ça, oui. Juliette, viens m'aider. Jamais je ne trouverai mes affaires de tennis toute seule. Pierre! Dépêche-toi de te mettre en tenue, sinon il ne fera plus assez chaud pour la douche. Oui. Qu'elle est gentille. Oh, elle est adorable. Maman est subjuguée. Tout à fait. Je suis de l'avis du jeune Blaineau. Elle est encore beaucoup mieux que sa photographie. Oh, je pense bien. Qu'est-ce qu'il disait, le jeune Blaineau? Eh bien, la même chose que nous, ou à peu près. Est-ce qu'il en est toujours amoureux? Oh, amoureux. Je lui ai demandé combien de sweethearts elle avait laissé en Amérique. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? 4! Ça me rassure. Papa, t'es pas encore prêt? Mais j'arrive! Marianne, t'es prête? Dans une minute. Je peux entrer? Toi, oui. Et moi? Oh, pas toi, Jean-François. Oh, oh là. Jean-François, va demander à Léon de te donner des balais pour nettoyer le tennis. Mais il est pas sale? Si, fais ce que je te dis. Oh, bah s'il faut qu'on veille le tennis, alors quand est-ce qu'on jouera? Mais nous y mettrons tous. Allez, allez, va. Bon, bon. Voulez-vous que je vous aide, Juliette? Ah, oh, mais je veux bien, ma tante. Je vais avec vous, ça me fera faire de l'exercice. Tu n'as besoin de rien. De rien, maman. Vous ne voulez pas qu'on pousse votre fauteuil jusqu'au tennis? Merci, Juliette, je vais rester ici, à lire tranquillement. Maman, où est ma raquette? Dans l'armoire du vestibule. Attends, ne dérange pas tout, je vais te la donner. Oui. Où sont-ils? Tout le monde est allé balayer le tennis. Pierre est monté s'habiller? Oui. J'ai le temps de faire un brin de causette avec vous, alors. Ça ne vous ennuie pas? Au contraire. J'ai décidé que nous serions très amis, vous voulez? Je ne demande pas mieux. J'ai des tas de questions à vous poser, pour commencer. Des tas de questions à moi? Mon Dieu! Je sais déjà pas mal de choses sur vous, mais enfin, je ne sais pas tout. Mais qu'est-ce que vous savez? Eh bien, je sais d'abord que vous êtes très intelligente, même très cultivée. Et qui vous a dit ça? Pierre, je sais aussi que vous êtes d'un courage admirable. Moi? Que vous ne vous plaignez jamais, que vous êtes toujours de bonne humeur. Est-ce que vous souffrez beaucoup? Mais non, je ne souffre pas. J'ai les jambes mortes, voilà tout. Comme les poupées de son, vous savez. C'est affreux. Il y a combien de temps que ça vous est arrivé? Vous n'aimez peut-être pas en parler? Oh si, pourquoi? Il y a 5 ans. Et vous pensez... Enfin, qu'est-ce que disent les médecins? À quel point de vue? Eh bien, au point de vue de la guérison. Oh, il n'y a pas de guérison. Voyons. Mais non. C'est pas possible, il doit bien y avoir un moyen, une cure à faire quelque part, non? Je crois bien que j'ai tout essayé, vous savez. Non, j'en ai pris mon parti, maintenant je tâche de ne plus y penser. Je ne peux pas dire comme je vous plains. Ça me fait une peine. Vous êtes gentille. C'est tellement injuste. Oui, un petit peu. Enfin. Ça vous a pris brusquement? Oui. Là-bas, en Indochine? Oui, à Hanoï, où mon père était en poste. J'ai eu une espèce de grippe avec beaucoup de fièvre, un mal de tête épouvantable, et puis, au bout de 4 jours, un matin, je n'ai plus pu remuer les jambes. Voilà. C'est effrayant. J'ai voulu vous écrire quand nous avons appris ça pour vous dire comme je pensais à vous. Puis je me suis dit que vous ne vous souviendriez sans doute pas de moi. Comment? Mais si! J'étais si petite la seule fois que nous nous sommes vues. Je me souviens très bien de vous au mariage de Pierre. Une petite fille avec des boucles blondes et une robe rose. En organdie. En organdie. Vous étiez déjà bien jolie. Mais moins qu'aujourd'hui. Oh. Moi, je ne crois pas que je me souvienne de vous. Ça ne m'étonne pas. Quel âge aviez-vous? Je devais avoir 6 ans. Ça doit un peu se brouiller dans votre tête. Un peu. Comment étiez-vous à ce moment-là? Oh, je ne sais plus. Je devais être une jeune fille à l'air triste. Triste? Oui. Mais cependant... Oui, j'avais encore mes jambes, oui. Mais comme je les avais toujours eues, ça ne suffisait pas à me rendre gaie, vous comprenez? Bien sûr. Parlons de vous maintenant. Oh, moi, c'est pas intéressant. Vous trouvez? Je suis pas du tout de votre avis, figurez-vous. Voyons, je sais déjà quelques petites choses, moi aussi, à propos de vous. Ah oui? Par exemple? Eh bien, je sais déjà qu'il y a un jeune homme amoureux de vous. Qui? Et quand je dis un, je suis probablement au-dessous de la vérité. Mais qui? Monsieur Rémy Blénaud, d'abord. Oh, pauvre Rémy! Mais il y a longtemps que c'est fini, ça! Je n'ai pas cette impression. Et ce n'est pas tout, il doit y avoir aussi le frère d'une de vos amies. Qui donc? Je ne sais pas son prénom, mais je sais que sa sœur s'appelle Mimi. Xavier? Oh, pensez-vous? Il n'est pas un peu amoureux de vous? Mais non, il ne pense qu'à ses chevaux et à ses bottes. Il fait de l'élevage. Ça n'empêche pas les sentiments, là. Oh, je suis bien tranquille. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Ah, voilà. C'est maman, je suis sûre. Heureusement qu'elle se fait des illusions. Pourquoi? Vous ne tenez pas à ce qu'il soit amoureux de vous? Oh, Dieu, non, si vous le connaissiez. Il est ennuyeux. Restent les 4 sweethearts américains. Les 4? Ah, c'est Pierre, ça! Ils sont vraiment 4? J'ai un petit peu exagéré. Sur les 4, il n'y en a que 2 de sérieux. De sérieux, c'est-à-dire? Enfin, qui m'ont demandé de les épouser. Ah, bon. Le premier, ça s'est passé dans l'eau. Dans l'eau? Oui, au milieu d'un lac qui séparait notre camp de celui d'un collège de garçons l'été dernier dans le Maine. Il fallait nager 2 kilomètres pour se parler, c'était le seul moyen de communiquer. Par la terre ferme, il aurait fallu faire 15 kilomètres à pied. On n'aurait pas pu, nous étions trop surveillés. Alors on partait, soi-disant pour s'entraîner. Eux, de l'autre côté, en faisaient autant et on se retrouvait au milieu. Seulement, il y avait que les bonnes nageuses qui arrivaient. Vous arriviez? Je pense bien, j'étais la meilleure de notre club en crawl. Et lui? Ah, lui, il n'était pas mauvais. Mais c'est surtout au plongeoir qu'il était bon. Mais comme homme? Oh, magnifique! Des épaules, un cou, un genre Tarzan, en brun. Et alors? Alors quoi? Mais qu'est-ce que vous avez répondu à sa question au milieu du lac? J'ai répondu non, bien sûr. J'ai dit que j'avais laissé un boyfriend en France et que nous devions nous épouser plus tard. C'est pas vrai, mais je voulais pas le vexer, ils sont très susceptibles en Amérique. Et l'autre? L'autre, c'était en auto. Un soir, en rentrant d'une partie aux environs de Philadelphie. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Alors, comme il avait bu pas mal de whisky, au tournant suivant, au lieu de prendre le virage, il est rentré tout droit dans un mur, exprès, pour me punir. Oh. La voiture était en petits morceaux. Moi, j'avais un trou dans la jambe, et lui, le nez cassé, plus un poignet démis. Ne racontez pas ça à maman, surtout elle me ferait une scène épouvantable. Soyez tranquille. Ils n'y vont pas par 4 chemins en Amérique. Ah non! Et ça ne vous a pas décidé? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez, moi? Je n'aime pas les jeunes gens. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, je les trouve prétentieux et assommants. C'est pas de ma faute. Ceux d'ici aussi? Surtout ceux d'ici. Là-bas, ils sont pas très drôles, mais ils sont gentils. Puis au moins, ils sont beaux, c'est déjà ça. Comme amis, tenez, comme camarades, ils sont imbattables. Ah ça, comme amis, il n'y a pas mieux. En somme, vous ne vous êtes pas ennuyée. Ah non, ça. J'ai passé un temps merveilleux. Et dire que je ne voulais pas y aller, est-ce que j'étais bête? Vous ne vouliez pas y aller? Mais non, c'est Pierre qui m'a forcée à partir autrement. Ah oui? Maman n'était pas très enthousiaste non plus. Mais il a tellement insisté, en disant que ça me ferait du bien, tous les points de vue que j'ai fini par me laisser faire. La mort dans l'âme. Maintenant, ce que je le remercie. Ah, c'est Pierre. C'est lui qui a offert un moment de payer mon voyage et le collège. Sans ça, je n'aurais jamais pu y aller. Vous ne saviez pas? Non. Il est vrai que c'est pas son genre de raconter ces choses-là. Et avec son affaire ici qui marche plus ou moins bien, ça lui était pas facile, vous savez, surtout au prix où est le dollar. Mais vous le connaissez, si je l'avais écouté, je serais encore là-bas. Il voulait que vous restiez? Encore un an. Mais comme je savais ce que ça lui coûtait, j'ai refusé. Ah, il y en a pas beaucoup comme lui. C'est vrai. Je sais qu'il a une profonde affection pour vous, il me l'a dit. Il est tellement bon. Et vous? Moi? Vous êtes comme moi, vous l'adorez. Oui. Moi, je serais capable de n'importe quoi pour lui, pas vous? Si. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il pourra plus jouer s'il ne se dépêche pas un peu. Pierre! Je vais le monter le chercher sans ça. Voilà! Voilà! Ah, bah c'est pas malheureux. Je vais téléphoner de l'usine, ça m'a retardé. Tu devrais toujours être en blanc, ça te va très bien. Ah oui? Il est pas mal dans son genre. Qu'est-ce que vous en pensez, Agnès? Pas mal du tout. Évidemment, c'est pas le Tarzan aux cheveux bruns dont je vous parlais tout à l'heure. Mais enfin, dans la catégorie au-dessous... Qu'est-ce que c'est que ce Tarzan? Ah, voilà. Ça ne te regarde pas. Est-ce que tu vas venir maintenant? Pierre! Mais quoi? Est-ce que tu vas consentir à venir jouer au tennis ou non? Oui, mais je prends ma raquette et je te rejoins. Va devant. Dépêche-toi! Qu'est-ce que c'est que ce Tarzan? Un Américain qui lui a demandé de l'épouser. Ah. Rassure-toi, elle a refusé. Pourquoi rassure-toi? Bon, je ne sais pas. Pour rien. Oui, Pierre est amoureux de sa jeune belle-sœur. Agnès l'a confessé. Il s'est confié à elle. Agnès s'arrange pour demeurer seule avec Marianne. Tu ne viens pas avec nous, Marianne? Non, je reste avec Agnès. Juliette vous attend à l'auto, madame. Bien, alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous êtes sûre que ça ne vous tentait pas d'aller pêcher? Oh non. D'abord, ça me fait plaisir de rester avec vous. Et puis la pêche, c'est pas mon affaire, on ne remue pas assez. Je me ferais plutôt le poisson que le pêcheur, ça peut être bien plus amusant. Mais le poisson peut se faire prendre. Ah, il y a un petit risque, évidemment. Je vous vois plutôt du côté de ceux qui prennent que du côté de ceux qui sont pris. Vous, vous allez encore me reparler de Rémi Blénon, je vous vois venir. Et l'autre, Xavier, vous l'avez vu? Je l'ai vu. Et alors? Alors rien du tout. Il m'a parlé de ses chevaux, de ses courses, car il monte en course aussi. Vraiment? Ça, je l'envie, par exemple, parce que ça doit être amusant. Il a été content de vous revoir? Il a eu l'air très content. Seulement très content. Mais je vous répète, Agnès, même si ça doit vous décevoir qu'il n'y a jamais eu le moindre flirt entre Xavier et moi. Ah non. Pas le moindre. Alors pourquoi Rémi avait-il eu cette dispute avec lui avant votre départ? Oh, parce qu'à ce moment-là, Rémi était une jalousie ridicule. Il était comme vous. Dès qu'un garçon s'approchait de moi, il imaginait qu'il me faisait la cour. Il y a d'autres sujets de conversation, vous savez, entre un jeune homme et une jeune fille. C'est bien possible. Au fond, vous êtes terriblement romanesque, vous, Agnès. Vous croyez? J'ai remarqué que chaque fois que nous sommes ensemble, au bout de 2 minutes, c'est toujours sur l'amour que roule la conversation. Naturellement. Les soldats qui ne peuvent plus faire la guerre assomment les autres à force d'en parler, c'est bien connu. Pauvre Agnès. Mais ne croyez pas que ça m'assomme, au contraire. Peut-être, en effet, que je pense trop à ces choses. Mais je crois que vous, Marianne, vous n'y pensez pas tout à fait assez. Oh bien, j'ai le temps, vous savez. Je veux dire que vous n'y pensez pas assez pour... Non, c'est stupide ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous alliez dire? Rien. Une bêtise, pardonnez-moi. Si, dites-le-moi. Non, je vous assure, d'abord, ça ne me regarde pas, puis... C'est inutile. Qu'est-ce qui ne vous regarde pas? Qu'est-ce qui est inutile? Vous m'intriguez. De quoi s'agit-il? De rien. C'est pas gentil, Agnès. Moi, j'ai confiance en vous, je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Si vous, vous faites des cachotteries, c'est plus de jeu. Dites-moi. Non. C'est pas chic, vous savez. Je vous en veux. Vous m'en voudriez bien plus si je parlais. Je vous en voudrais. Oh, mais vous m'inquiétez maintenant. Mais non, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Rien de grave pour vous. Pour qui alors? Hein? Pour Rémi Bléneau? Non. Mais alors pour qui? Pour qui est-ce grave? Marianne, je suis navrée de ma maladresse. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je vous demande de ne pas insister. Ah, pardon, il faut que je sache, moi. Vous pensiez certainement à quelqu'un en disant ça. Pas Rémi Bléneau, pas non plus à Xavier, vous ne le connaissez pas. Mais non. Mais alors de qui s'agit-il? C'est pas de Pierre. Mais non. Jurez-le-moi. Jurez-le-moi sur sa tête. Oh, écoutez, Marianne, vous me mettez dans une situation affreuse. Je vous supplie d'oublier ce que j'ai dit. Ce n'est rien, c'est une idée qui m'est venue, c'est sans importance. C'est de Pierre qu'il s'agit? C'est pour lui que quelque chose est grave. Quelque chose qui dépend de moi. Marianne, si je vous dis ce que je pense, l'idée qui m'est passée par la tête et qui n'est probablement qu'une invention saugrenue de mon esprit romanesque. Me jurez-vous de l'oublier aussitôt et de ne jamais en parler? À personne. Je vous le jure. À personne, Marianne. À personne. Eh bien, je pense, enfin, je trouve que vous devriez faire un peu plus attention à la façon dont vous vous tenez avec Pierre. À la façon dont je me tiens? Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes quelqu'un de très charmant, de très séduisant, et que sans le vouloir, vous pouvez faire du mal. Moi? Je peux faire du mal à Pierre? Mais sans le vouloir, sans même croire que c'est possible. Vous ne croyez pas que je suis coquette avec lui? Non, mais vous ne pensez peut-être pas assez que vous avez 20 ans, que vous êtes déjà une femme, et que lui est un homme. Pierre? Vous vous imaginez que Pierre pense à moi comme à une femme? Mais oui. Oh, ma pauvre Agnès! Oh, je commence à croire que c'est une idée fixe chez vous. Mais Pierre est mon grand frère, il me considère comme une gosse. C'est tout juste, il ne me donne pas la fessée quand je ne suis pas sage. Mais vous ne savez pas comment il me traite. N'oubliez pas que j'avais 6 ans quand il a épousé Juliette. Mais vous avez grandi, Marianne. Oui, j'ai grandi, mais... Oh non, mais... Eh bien, s'il savait ça, lui qui ne rit pas souvent, je vous jure qu'il s'en paierait une bosse. Vous croyez? Oh oui. Chère Agnès, je vous adore, vous et vous Idée. Vous devriez écrire des romans, tenez, je suis sûre que ce serait passionnant. Peut-être. Tout de même, vous devriez être un peu plus réservée avec lui. Vous ne croyez pas? Mais comment ça, réservée? Eh bien, un peu moins câline, un peu moins tendre. Un peu moins comme les jeunes chats, vous savez, qui viennent se frotter à vos jambes pour qu'on leur gratte la tête. C'est adorable, bien sûr, mais c'est pas tout à fait normal. Vous trouvez que je ne suis pas convenable? Oh, je ne pense pas à ça. Je pense que, sans que vous vous en rendiez compte, vous avez quelquefois avec lui des attitudes, des gestes qu'on peut avoir à la rigueur avec un frère, mais pas avec un beau-frère, voilà. Enfin, vous trouvez ça un peu choquant? Mettons, si vous voulez, que je trouve ça un peu choquant. Pourquoi me regardez-vous? Je pense à quelque chose que Juliette m'avait dit quand je suis revenue d'Amérique. Quoi donc? Vous ne m'en voudrez pas? Mais non. Et vous ne le répéterez pas, vous non plus? Vous ne direz pas que je vous l'ai dit? Non. Vous me promettez? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Juliette? Que vous aviez été un peu amoureuse de Pierre autrefois, avant leur mariage. Elle vous a dit ça? Oui. Oh! Elle ne le disait pas méchamment, vous savez. Au contraire, elle pensait que ça avait dû vous faire beaucoup de peine quand il l'a épousée. Elle en était navrée. Et alors vous vous dites que je suis jalouse? Pas jalouse, non, mais... Si, jalouse. Et que c'est par jalousie que je viens de vous parler comme je l'ai fait. Ce serait tout naturel. Je me mets à votre place. Si vous avez été vraiment amoureuse de Pierre, ça doit vous agacer que je gambade autour de lui comme je le fais. Je le comprends admirablement. Non, Marianne, ça ne m'agace pas. Ça m'inquiète seulement. Je vous assure qu'il n'y a pas du tout de jalousie là-dedans. Je ne pense qu'à lui. Vous pouvez me croire. Mais je vous garantis qu'il ne s'en aperçoit même pas. Mais non seulement il s'en aperçoit, mais ça le bouleverse, si vous voulez que je vous le dise. Ça le bouleverse? Oui. Il vous aime. Il m'aime? Pierre m'aime? Oui. Mais comme un frère? Non. C'est pour ça qu'il vous a envoyé dans ce collège américain il y a 2 ans. Qu'il vous a empêché de revenir l'été dernier. Et c'est encore pour ça qu'il voulait que vous y restiez pendant 1 an. Il comptait sur l'absence. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, vous savez tout maintenant. C'est lui qui vous l'a dit ? Oui. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez juré, Marianne ? Si Pierre apprenait que je vous l'ai dit, non seulement il ne me pardonnerait pas, mais il souffrirait atrocement. Oh. Ça vous paraît si extraordinaire ? Mon pauvre Pierre. Et c'est pour ça qu'il... Il y a longtemps que vous savez. Il y a longtemps que je l'ai compris. C'est seulement tout à l'heure qu'il me l'a avoué. Je le voyais si anxieux, si désemparé. Je l'ai questionné. Il n'a d'abord pas voulu en convenir et puis à la fin, il s'est décidé. Il est très malheureux. Il est très malheureux ? Très. Oh. Je l'aime tant. Vous n'êtes pas tout petit peu fière d'avoir inspiré un sentiment pareil à un homme comme lui ? Je suis bouleversée. Avouez que ça ne vous est pas désagréable. Vous êtes drôle, Agnès. Je suis flattée, évidemment. Mais l'idée qu'il est malheureux à cause de moi est plus importante que tout, je vous assure. Si vous saviez ce qu'il est pour moi. Un jour, en Amérique, on m'a téléphoné chez des amis où j'étais pour le week-end, qu'il y avait un câble pour moi au collège. Je me suis imaginée que c'était une mauvaise nouvelle, et comme je faisais toutes les suppositions... J'ai pensé que j'aimais encore mieux que ce soit Juliette que lui. Chère Marianne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Agnès ? Faut que je m'en aille, non ? Prétend qu'il souffrirait encore plus si vous partiez. Il y avait tout de même pensé, alors ? Pas lui. Moi. Ah. L'absence est toujours le remède auquel on pense dans ces cas-là. Oui. Vous n'êtes pas comme moi, Marianne ? Vous ne construisez jamais d'histoire dans votre tête. Vous n'imaginez pas toutes sortes d'aventures auxquelles vous êtes mêlée. Mais non, pourquoi ? Vous ne vous êtes jamais demandé ce qui se serait passé si Pierre n'avait pas été le mari de Juliette ? Non. C'est drôle. Moi, c'est la première question que je me serais posée à votre place. Je n'aurais pas pu m'en empêcher. Mais je n'ai jamais pensé à Pierre comme à un homme. Pour moi, il était Pierre. Voilà. Eh bien, supposez qu'il n'ait pas été votre beau-frère, qu'il soit tombé très amoureux de vous et qu'il vous l'ait dit. Eh bien ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Ça, je ne sais pas. Essayez d'imaginer. Il ne vous est jamais arrivé d'avoir envie qu'un homme vous prenne dans ses bras ? Si. Quand ? Là-bas, en Amérique. Tarzan ? Non, un autre. Ou juste un soir et le lendemain, je n'y pensais plus. Eh bien, imaginez que c'est Pierre qui vous prend dans ses bras. Vous voulez dire pour m'embrasser ? Oui. Vous croyez que vous aimeriez ? Mais non, quelle horreur ! Quelle horreur ? Enfin, je veux dire, ça me paraîtrait impossible. Vous le trouvez beau, cependant. Mon père aussi était très beau, paraît-il. Pour moi, ce serait la même chose. Vous n'allez pas lui répéter ça, Agnès ? Non, soyez tranquille. Jamais, n'est-ce pas ? Non, bon, voilà Rémi. Tiens. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Bah, vous voir, j'imagine. Oh non, pas aujourd'hui. Je vais dire que je ne suis pas là. Vous ne pouvez pas faire ça, Marianne. Mais je n'ai pas envie de le voir. Il va encore faire des tas d'allusions à ses sentiments et vraiment... Je vous trouve injuste pour lui. Il est gentil, vous savez. C'est possible, mais aujourd'hui, il ne pouvait pas tomber plus mal. Pourquoi ? Mais parce que je vais pouvoir penser à Pierre, à ce que vous m'avez dit. Le voilà qui vient, recevez-le, vous. Ça ne lui fera aucun plaisir. Vous lui direz que j'avais la migraine et que je suis allée m'étendre dans ma chambre. Mais non ! Si ! Marianne, écoutez-moi. Je veux bien le recevoir un instant, mais vous allez redescendre. Mais pourquoi voulez-vous à tout prix que je le voie ? Parce qu'il est venu pour ça et que vous lui feriez de la peine. Vous allez revenir. Je verrai, je ne vous promets rien. On peut entrer ? Mais oui. Excusez-moi, mais je n'ai trouvé personne pour m'annoncer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous veniez voir Marianne ? Elle ne va pas tarder à revenir. Elle sait que je suis là ? Oui, elle vous a vu arriver. Elle avait un peu de migraine, elle a dû aller prendre un cachet. Je ne veux pas la déranger si elle est souffrante. Mais ça ne la dérange pas, ça lui fait plaisir. J'étais venue lui dire au revoir. Vous partez ? Eh oui, mes vacances sont finies, je reprends le collier. Mais vous viendrez de temps en temps voir vos parents, non ? Oui, de temps en temps. Marianne va être navrée de vous perdre. Mais si, je vous assure, elle m'a souvent parlé de vous, elle a une véritable amitié pour vous. Tant mieux. Vous aussi, je crois. Ah oui, moi. Vous l'aimez bien ? Je crois, oui. Ne le lui dites pas trop. Elle doit être fixée, vous savez. C'est un tort. Chose dont on est trop sûr, on les néglige. Celles qu'on a peur de perdre, on y fait attention. À condition qu'on y tienne. Vous croyez qu'on sait si bien que cela à quoi on tient à l'âge de Marianne? On aime ce qui est difficile, une partie qui n'est pas gagnée d'avance. Mais quand elle est gagnée d'avance? C'est à l'autre de donner l'impression qu'elle ne l'est pas. T'es pas défendu d'être un peu habile dans les questions de sentiments? Évidemment, mais ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai peur de ne pas avoir beaucoup de dispositions. Il ne faut pas vous dire ça. Il faut avoir confiance. Si vous vous considérez comme battu dès le départ, il y a peu de chances pour que vous gagniez. Maintenant, vous ne tenez peut-être pas tellement à gagner, en somme. Vous croyez? Je me le demande. Il doit y avoir un certain charme dans les situations désespérées. On s'y habitue, et peut-être qu'on finit par aimer ça. Non, non, non, pas du tout. Eh bien, alors défendez-vous, sapristi. Ne jetez pas le manche après la cognée, ne vous dites pas par avance que tout est inutile, et surtout, ne vous croyez pas déshonoré parce que vous aurez consenti à être un peu adroit. Ce qui compte, c'est de réussir. Vous avez envie que je réussisse? Il me semble que je vous le prouve, non? Est-ce que je peux me permettre de vous demander pourquoi? Ah, voilà. Parce que vous m'êtes sympathique, tout simplement. Je vous remercie. Ça me fait au moins une alliée dans la maison, j'en avais besoin, je crois. Si je vous disais le contraire, vous ne me croiriez pas. Non. Vous auriez raison. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est la principale intéressée. Quand celle-là vous sera acquise, la partie sera gagnée. Allez. Ça, je le crois, mais malheureusement... Quoi? Ça n'en prend pas le chemin. Et attendez, vous n'avez pas commencé... À vous trouver. Mais vous n'avez pas commencé à suivre mes conseils. Faites-en l'expérience, vous verrez bien. Soyez gai, soyez léger. Donnez-lui l'impression que quelqu'un vous attend à Paris. Enfin, je sais pas, moi, inventez quelque chose. Qu'elle se dise après votre départ, « Mais tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il serait en train de m'échapper par hasard? Vous comprenez ?» Enfin, vous voyez, elle n'a pas l'air très pressée de me voir. Il suffit que j'arrive pour qu'elle s'en aille. Ne vous préoccupez pas de ça. Tenez, pressez sur ce bouton de sonnette qui est à côté de la porte. Ça y est? Eh oui. Voulez-vous dire à Mademoiselle Marianne que Monsieur Blénaud l'attend? Mademoiselle est dans sa chambre? Oui. Vous ferez ce que vous voudrez, mais à votre place, je ne laisserai pas échapper cette occasion. Mademoiselle va venir. Je vais vous laisser. Je ne voudrais pas... Vous aimez mieux que je reste? Écoutez, je ne voudrais pas vous obliger à partir. Je vais encore faire ça pour vous. Tenez, ouvrez-moi la porte. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Et merci. Vous sentez-vous résolu? Non, pas très. Tant pis. Comment? Vous êtes seule? Où est Agnès? Elle vient de partir. Ah. Bon. Comment va cette migraine? Quelle migraine? Ah oui, ça va mieux, merci. Le voyage à Paris s'est bien passé? Très bien. Vous avez vu les grands-pierres? Oui, nous avons déjeuné chez eux hier. Mimi était en forme? Très en forme. Elle est si gentille. C'est un amour. Ah, j'ai des remords. Vous n'avez pas été très chic avec elle. Faut que je téléphone à de ces jours. Dépêchez-vous, elle part après-demain pour l'Argentine. Ah? Elle va chez des cousins qui ont un ranch là-bas. Elle en a une chance. Oui. J'étais venue faire mes adieux. Vous partez? Ah mais oui, mes vacances sont finies demain, je rentre à Paris. Comme c'est triste. Ah, je vous avoue que je n'en suis pas fâchée, j'aime bien la campagne, mais j'aime tout de même mieux Paris. Ah oui? Bien, nous n'avons pas les mêmes goûts, Paris ne me manque pas du tout à moi. J'aurais horreur d'y habiter maintenant que j'en suis partie, je n'aime plus que la campagne. Ah? Ah vous, je le comprends. Vous avez toute votre famille ici, moi ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Vos parents sont ici de la même façon? Ah, mes parents, oui. Alors? Oh ben, il n'y a pas que les parents. Ah, voilà. Hé, dame. Évidemment, c'est pas la même chose. N'est-ce pas? Comment est-elle? Jolie? C'est, oui. C'est récent? Bah, plutôt récent. C'est une jeune fille? Non. Une femme mariée? Oui. Pourquoi ne me l'aviez-vous pas dit? Je ne pensais que ça ne pouvait pas vous intéresser. Mais si, ça m'intéresse. Et vous continuez à me faire la cour. Quel aplomb! Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Ah! Alors moi, c'était pour les vacances et elle, pour le reste du temps. C'est du joli. Et vous avez des velléités de renouer avec Mimi en plus, mais vous êtes insatiable, mon petit Rémi. Enfin, je ne vous en veux pas parce que je vous aime bien. Mais vous ne vous croirez plus obligé de me parler chaque fois que nous nous verrons de la fidélité de vos sentiments, j'espère. C'est fini, ça, n'est-ce pas? Nous allons enfin pouvoir être de vieux camarades, ce sera gentil. C'est complet. Qu'est-ce qui est complet? Marianne, je me moque de Mimi, j'ai horreur de Paris et il n'y a pas de femme mariée. Qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est un essai que j'ai fait, je savais que ça ne réussirait pas. Un essai? Mais oui, on m'avait dit que je n'employais pas le bon système avec vous. J'ai essayé d'en changer, mais le résultat n'est pas meilleur. Ah, c'était pour me rendre jalouse. Voilà. Mon pauvre Rémi. Mais qui vous a donné ce beau conseil? Oh. Vous ne voulez pas le dire? Bah, vous devez bien vous en douter. C'est Agnès. Oui. Tiens. Mais alors, vous êtes en grande confidence avec elle? Ah non, non, non, pas du tout. C'est elle qui m'a entrepris là, tout à l'heure, en vous attendant, dans une bonne intention. Et elle vous a conseillé de me rendre jalouse? Bah, d'essayer. Je n'avais pas beaucoup d'illusions sur le résultat. Marianne, vous ne m'en voulez pas? Mais non, je ne vous en veux pas. Je trouve même ça assez comique. Cette idée de vous mettre à jouer les Lovelace tout à coup. Je n'ai pas été très chic avec Mimi, j'ai des remords, il faut que je téléphone. Cher Rémi. Oh, riez, allez, fichez-vous de moi, je l'ai mérité. J'ai pas envie de rire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je suis pas en train, ce voyage m'a fatiguée. Vous voulez que je m'en aille? Oh, pas tout de suite. D'ailleurs, il va falloir que je rentre faire ma valise. Quand viendrez-vous à Paris? Je ne sais pas. Votre mère m'avait dit que vous y viendriez avec elle de temps en temps. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Il est possible que je ne reste pas ici. Ah. Et où iriez-vous? Oh, je ne sais pas encore. Je retournerai peut-être à Farmington. Comment, là-bas? En Amérique? Oui. Ah. Et depuis quand avez-vous décidé ça? Oh, je ne l'ai pas encore décidé. Je vous demande même de n'en parler à personne, n'est-ce pas, Rémi? Bien. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Je sais pas, je croyais que vous m'aviez dit que vous commenciez à en avoir assez de la vie de collège. Oh, je n'y retournerai pas comme élève, cette fois-ci. Mais comment, alors? Ils prennent souvent d'anciennes élèves comme surveillantes et comme monitrices pour certains sports. On est nourri et logé, ça permet de travailler, de préparer un diplôme. Je suis pas très sûre de l'obtenir, c'est assez difficile. En surveillante, vous? Pourquoi? Vous trouvez que je suis trop jeune? Il y en a qui ont mon âge. Ce n'est pas seulement l'âge, c'est tout le reste. Je peux avoir l'air très sérieux quand je vais, vous savez. Enfin, je vous demande pardon de vous demander ça, mais c'est nécessaire pour vous? Quoi? Mais de faire ça. Ça me plaît, tout simplement. Mais enfin, écoutez, si je suis indiscret, ne me répondez pas. Est-ce qu'il s'est produit dans la situation de votre beau-frère quelque chose qui vous oblige à prendre cette décision? Pas du tout. Je trouve que j'ai été assez longtemps à sa charge, voilà. Alors je suis tranquille. Jamais il ne vous laissera partir. Faudra bien qu'il me laisse partir. Et qu'est-ce qu'en pense votre mère? Elle ne le sait pas encore. Ah bon? Alors je commence à me rassurer. Vous avez tort. À moins que vous n'alliez là-bas pour retrouver quelqu'un. Voilà, vous avez deviné. Comment, c'est vrai, Marianne? Oui, oui, c'est ça. Non, dites-moi la vérité. Mais non, vous êtes bête. C'est donc si extraordinaire de vouloir être indépendante. Mais il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Vous pouvez être indépendante en restant à Paris. Je vois pas bien comment. Là-bas, je peux être répétitrice de français et apprendre le crawl aux débutantes. Tandis qu'ici... Puis là-bas, on a beaucoup de considération pour moi. J'ai laissé une excellente réputation. Oh, Marianne, mais ce n'est pas sérieux, cette histoire. Vous croyez? Vous voulez vraiment retourner là-bas? Je vous ai dit que ce n'était pas encore décidé. Mais il y a beaucoup de chances pour que je le fasse. Et c'est vraiment pour ne plus être à la charge de votre famille? Mais oui. Oh, mais c'est une idée complètement folle! Vous serez très malheureuse là-bas dans ces conditions-là. Pas du tout. On ne traite pas les surveillantes comme ici, vous savez, on est très gentils avec elles. Pourquoi ne m'épousez-vous pas? Tout simplement. Tiens oui, au fait. Comme ça, aussi vous seriez indépendante. Indépendante? Vous ne manqueriez de rien, je vous le garantis. Je veux être indépendante de toutes les manières. Mais si je m'engage à respecter votre liberté. Ce sont des choses qu'on dit. Mais ça dépend de qui? Je n'ai encore jamais promis quelque chose que je n'ai pas tenu. Cher Rémi. Qu'est-ce que vous pensez de ma proposition? J'en suis très honorée. J'ai le regret de la décliner. Et pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Rémi. Je le sais. Mais si je prends ce risque... Pourquoi le prendriez-vous? C'est mon affaire, non? C'est bien un peu la mienne aussi. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien parce que, si peu que j'ai de vous, ce sera encore beaucoup mieux, encore infiniment mieux que de ne rien avoir du tout. Parce qu'il y a 4 ans que je vous aime. Que vous le savez. Que vous ne m'avez pas donné l'ombre d'un espoir. Et que je continue à vous aimer. Parce que j'ai tout supporté. Votre indifférence, votre ironie. Et ces 2 années d'absence. Et votre silence là-bas. Quand moi je vous écrivais toutes les semaines. Et même plusieurs fois par semaine, si je compte les lettres que je ne vous ai pas envoyées. Et votre retour, il y a 1 mois. Et la façon dont vous m'avez tout juste dit bonjour et dont vous êtes parti avec votre beau-frère sans plus vous souvenir que j'étais là. Et les humiliations de votre mère qui ne laissait échapper aucune occasion de me faire sentir que vous n'étiez pas pour moi. Et enfin, tout ce qui aurait dû depuis longtemps me décourager si j'avais le moindre bon sens et la moindre vergogne. Mais je vous adore. Vous comprenez? C'est idiot, c'est tout ce que vous voudrez, mais c'est comme ça. Pour avoir le droit de tenir de temps en temps votre petite main dans la mienne. Vous ne savez pas de quoi je serai capable. Je ne le sais même pas moi-même. Je me sens la force de tout accepter, tout, vous entendez, tout. Parce que tout sera mieux que de vivre comme j'ai vécu depuis 4 ans. Rémi, mais vous me faites peur. Je vous fais peur. Eh bien, qu'est-ce que je dirais, moi? Mais voyez... Non, attendez, non, j'ai encore quelque chose à vous dire. Je ne pensais pas 1 minute en venant ici à vous parler comme je l'ai fait naturellement. C'est parti malgré moi, à cause de ce que vous m'aviez dit. Mais j'avais pensé depuis longtemps qu'il faudrait que je me décide un jour ou l'autre à vous poser la question. Seulement j'avais si peu d'espoir que je remettais de jour en jour, parce qu'une fois que vous m'auriez dit non, ce serait fini. Alors, ce que je vous demande, c'est de ne pas me répondre tout de suite. Je pars demain, je reviendrai samedi, et là, si vous voulez, vous me répondrez. Ça vous donnera le temps de réfléchir, et moi ça me laisse 8 jours de bon. Quand je dis de bon, c'est une façon de parler. Enfin, c'est encore mieux que ce qui m'attend samedi prochain. Probablement. Vous voulez bien? Bon. Bon, ben, je me sauve pour ne pas vous laisser le temps d'entamer mes illusions. Au revoir, samedi! Au revoir. Marianne reste un long moment immobile. Assise sur le coin de la table, une jambe pendante, le regard perdu dans le vide. Ce Rémi vient de nous faire une peur. Il sortait du portail à toute vitesse, penché sur sa bicyclette sans regarder devant lui. Il s'en est fallu d'un cheveu qu'il ne passe sous la voiture. On n'a pas idée de faire aussi peu attention. Il avait l'air de sortir d'un rêve, il ne s'est même pas excusé. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Me dire au revoir. Il rentre à Paris. Je t'avoue que j'aime autant ça. Qu'est-ce que tu as contre lui? Rien, seulement je trouve qu'on le voit un peu trop souvent ici depuis quelque temps. Je dois te prévenir qu'il revient samedi et qu'il passera me voir. Encore? Je dois lui donner une réponse. Une réponse? À une question qu'il m'a posée. Quelle sorte de question, si je ne suis pas indiscrète? Du tout. Il m'a demandé si je ne voulais pas l'épouser. Simplement. Pourquoi n'as-tu pas répondu tout de suite? Il a voulu que je réfléchisse. J'imagine que tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps. À ta place, j'aurais dit non, sans attendre à samedi. Ça lui aurait évité de revenir. C'est que je ne suis pas très sûre de dire non. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre? Bien, oui. Et ce mariage a lieu. C'est pour demain. Les 2 familles, celle de Marianne et celle de Rémi, ont achevé de discuter sur les multiples détails de la cérémonie, du départ des jeunes mariés, de leur nuit de noces. Pierre est manifestement au supplice. Marianne veut le revoir, seule à seule. Tu es seule ? Oui. J'avais peur que tu ne m'aies pas attendue. Puisque tu me l'avais demandé. J'ai beaucoup hésité à le faire. Mais quand ce cri t'a échappé tout à l'heure avec Juliette, ça me fait trop mal. Ah oui, je trouvais que la conversation était un peu cruelle pour Agnès. Pour Agnès ? Vraiment ? Bah, naturellement. Qu'est-ce que tu imagines ? J'ai cru que c'était toi qui étais à bout. Moi ? Quelle idée ! Pourquoi ? Tu ne crois pas que ce soir nous pourrions nous dire la vérité ? Puisque je vais partir et que nous n'allons plus nous revoir. Mais quelle vérité ? Agnès m'a dit que tu étais amoureux de moi. C'est pas vrai ? Elle te l'a dit ? Il ne faut pas lui en vouloir, elle a bien fait. Elle m'avait demandé de ne jamais t'en parler, mais ce soir je suis sûre qu'elle comprendrait. Et quand te l'a-t-elle dit ? Je ne sais plus exactement, quelques jours avant que je me fiance avec Rémi. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça ? Oui. Je ne l'aime pas, tu sais. Mais pourquoi alors ? Pour partir d'ici, pour que tu sois tranquille. J'avais d'abord pensé à retourner à Farmington comme monitrice, mais je n'étais pas assez sûre de l'obtenir, et puis maman n'aurait jamais voulu, elle m'aurait empêchée. Rémi a été très gentil. Quand il a su que je voulais partir... Tu lui as dit ? Je ne lui ai pas dit pourquoi, tu penses bien. Je lui ai expliqué que je ne voulais plus être à ta charge, que je voulais être indépendante. Alors il m'a dit que si c'était ça, le plus simple était d'épouser. J'ai commencé par trouver ça fou. Puis en y réfléchissant, je me suis dit que c'était le moyen de partir d'ici qui ferait le moins d'histoire. Et j'ai accepté. Tu as accepté d'épouser un homme que tu n'aimes pas ? Oh, j'ai de l'affection pour lui, c'est un très chic type d'ailleurs. Et tu as fait ça pour moi ? J'aurais fait bien d'autres choses pour toi. Mais on ne se marie pas pour les autres, Marianne. On se marie pour soi. Ça dépend. Et tu te figures que je vais te laisser faire une chose pareille. Il est un peu tard pour changer maintenant, tu ne crois pas ? Mais tant pis, tu seras malade, nous gagnerons du temps et nous trouverons une explication pour les Blénaud. Mais je ne veux pas ! Je ne suis plus une petite fille. J'ai réfléchi avant d'accepter ce que Rémi me proposait. Mais tu ne sais pas ce que tu as fait, tu ne sais pas ce qui t'attend. Et si, je le sais. Je suis épouvantée, Marianne. Il n'y a vraiment pas de quoi. Qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Que nous nous rendions compte au bout d'un certain temps que nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble ? Eh bien, nous divorcerons, la belle affaire, c'est déjà arrivé. Mais c'est très grave de divorcer, c'est très grave de rater le début de son existence. Ce qui est grave, c'est de croire qu'on aime quelqu'un et de s'apercevoir qu'on s'est trompé. Ou bien d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas, mais là... Il sait que tu ne l'aimes pas ? Oui. Tu le lui as dit ? Oui. Mais lui, il t'aime ? Oui. Il y a 4 ans qu'il m'aime. Ah, c'est ça qui est impossible. Il souffrira. Et il te fera souffrir. S'il t'a aimé pendant 4 ans sans presque te voir, qu'est-ce que ce sera quand il vivra près de toi ? Il t'aimera encore beaucoup plus. Peut-être pas. Et si, il va t'adorer, tu peux m'en croire. Et alors, quelle sera ton existence ? À moins que tu ne finisses par l'aimer, toi aussi. C'est évidemment là-dessus qu'il compte. Je crois bien que je n'aimerai jamais personne. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Oh, mon pauvre petit, mais qu'est-ce que tu as fait ? J'aime quand tu m'appelles mon pauvre petit. Tu ne sais pas comme ça me faisait de la peine de te sentir si froid, si dur avec moi depuis le soir où je t'ai annoncé mes fiançailles. Je comprenais bien pourquoi, je comprenais bien que tu avais mal. Mais ça me faisait de la peine tout de même. Puis maman, qui de son côté me faisait la tête, c'était pas très drôle. Pauvre gosse. Je te demande pardon. Tu es bête. Mais c'est pour ça que je n'ai pas eu le courage de me taire. J'aurais mieux fait, probablement. Il aurait mieux valu que tu ne saches rien, comme le voulait Agnès. Je n'ai pas pu. Agnès était au courant de tout, naturellement. Oui. C'est elle qui t'a poussée à ce mariage, sans doute. Pas exactement poussée, non. Mais j'ai bien vu qu'elle le souhaitait. À cause de tout. Mais est-ce que ça la regarde ? Qu'elle me laisse donc tranquille à la fin. Elle t'adore, tu ne peux pas lui en vouloir. Une curieuse façon de m'adorer que de faire tout ce qu'elle peut pour que je souffre davantage. Oh, tu vois, je n'aurais pas dû te parler. Moi qui croyais que ça allait te faire plaisir. Que tu serais moins malheureux, en sachant que je ne l'aimais pas. Moins malheureux. en sachant que tu vas lui appartenir à cause de moi. Qu'il aura le droit de te prendre dans ses bras et de faire de toi tout ce qu'il voudra. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que va être cette soirée de demain pour moi? Dis, est-ce que tu te rends compte? C'était beaucoup moins horrible de croire que tu l'aimais. Ce n'était plus toi que je voyais dans ses bras, ce n'était plus ma petite fille bien-aimée, c'était une étrangère, parce que tu aimais un étranger. Et te voilà revenu, voilà que je t'ai retrouvé, pour que ce soit encore plus atroce, pour que je... Ça doit être Juliette. Il vaut mieux que tu rentres chez toi. Et si je te promets qu'il ne se passera rien entre Rémi et moi, est-ce que tu seras moins malheureux? Mais comment pourrais-tu? C'est mon affaire. Tu serais content? Réponds. Jamais il n'acceptera. Il deviendra enragé. Il ne s'agit pas de lui en ce moment, il s'agit de toi. Je ne peux pas supporter que tu souffres. Alors oui ou non? Oui, bien sûr. Bien, je te le promets. Mon petit. À notre tour de la boule, je passerai te voir. Jusque-là, sois calme. Ne torture pas. Tu n'auras aucune raison de le faire. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas tâcher de dormir maintenant. Oui. Un mois plus tard, Marianne est rentrée de la veille. Elle est chez les parents de Rémi. Pierre charge Agnès de dire à Marianne qu'il la dégage de la promesse qu'elle lui a faite. Par pudeur, il n'ose lui en préciser la nature. Oui? Ah, vous êtes là. Bon, j'arrive. Bonjour, Agnès. C'est gentil de m'avoir fait signe comme ça tout de suite. Comment ça va depuis tout ce temps? Bien. Et votre chère maman? Maman va bien aussi. Elle n'est pas là? Non, c'est l'heure de sa promenade. Ça ne vous a pas ennuyé de venir voir la pauvre infirme? Vous êtes bête. Je serais venue de toute façon aujourd'hui ou demain. Mais ça m'a fait plaisir que vous me le demandiez. Alors, agréable séjour à la boule? Très agréable séjour. Qu'est-ce qui vous fait sourire? C'est que pour tout dire, nous n'y sommes pas restés. Vous n'y êtes pas restés? Non. Alors, la merveilleuse villa, le maître d'hôtel, la femme de chambre, tout ça n'a servi à rien? Ça a servi 3 jours. Au bout de 3 jours, nous en avons eu assez, nous sommes partis. Non. Et où êtes-vous allés? D'abord à Saint-Jean-de-Luz, où nous sommes restés 1 semaine. Là, Rémi a télégraphié à un de ses amis, Robert Grimaud, pour lui demander de nous prêter un canoë. Nous sommes allés chercher le canoë chez lui, ou plutôt chez ses parents, qui ont une ravissante propriété près de Bergerac. Nous y sommes restés 2 jours. Après quoi, Robert Grimaud et sa femme ont décidé de nous accompagner. On a chargé les canoës sur les voitures et nous sommes allés à Vernéjou, un petit patelin sur la Dordogne, d'où on part pour descendre la rivière. À Vernéjou, nous avons mis les voitures dans le train à destination de Souillac, et le lendemain matin, à 7h, nous avons pris le départ pour descendre la Dordogne. Alors ça, c'est du sport. Vous n'avez jamais fait de canoë? Et non. Oh, naturellement. Moi non plus, figurez-vous, je n'en avais jamais fait. C'est-à-dire que j'en avais fait là-bas, dans le Maine, mais je n'ai jamais descendu de rivière. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est passionnant. Pas de tourpeau, par exemple. Sans Rémi, nous y serions restés plusieurs fois. Mais avec son petit air calme, il y a un de ses crans et un de ses coups d'œil. Il est épatant. Descendre la Dordogne pour la première fois et ramener son bateau intact ou à peu près, ça ne se voit pas souvent, vous savez. Je ne me suis jamais tant amusée de ma vie. Rien que dans les rapides de Vermillac, nous avons été dessalés 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chavirer. Complètement? Ah, et comment? Le canot est d'un côté, Rémi et moi d'un autre, les pagaies d'un troisième. Dans un de ces courants. Vous avez dû avoir très peur. Nous rions bien trop pour avoir peur. Vous n'avez pas idée de ce que Rémi peut être drôle quand il s'y met. Ce qu'il a pu me faire rire. Et alors? De Vernéjou à Argentat, nous avons mis 3 jours en couchant un peu au petit bonheur dans de vagues auberges ou chez des paysans. D'Argentat à Souillac, nous avons mis 10 jours. Mais parce que nous nous sommes arrêtés en route le second jour, nous avons trouvé une espèce de petit hôtel. Nous nous sommes trouvés si bien qu'au lieu de repartir le lendemain matin, nous avons décidé de faire un petit séjour. Oui? Toujours avec vos amis? Non, nous nous sommes séparés là. Ils sont partis de leur côté. À Souillac, nous avons rechargé le canoë sur l'auto, nous l'avons ramené à son propriétaire et nous sommes rentrés à petites étapes par le Limousin, voilà. Et pendant tout ce temps-là, on vous croyait sagement à la boule. Nous avons pensé qu'après tout le mal qu'ils s'étaient donné pour nous installer, ça leur ferait de la peine d'apprendre que nous n'y étions pas restés. Nous avons décidé d'avouer notre fugue seulement en rentrant. Votre belle-mère a dû être navrée. Pas du tout, elle a très bien pris ça. Quant à mon beau-père, le récit de notre équipée l'a ravi. Ils sont tellement gentils, tous les deux. Vous vous entendez bien? Merveilleusement, ils sont adorables avec moi. Tant mieux. Et puis Rémi a une façon d'être avec eux que je trouve très sympathique. C'est une atmosphère très agréable. Combien de temps allez-vous rester? Rémi devait être à son bureau après-demain, mais sa mère va téléphoner à son oncle pour demander 2 jours de prolongation. Vous partirez avec lui? Naturellement. Et ici, comment ça va? Ça va, comme ça. On est un peu triste de votre départ. Ah oui. Vous n'avez pas été étonnée que je vous fasse dire de venir me voir? Mais non, pourquoi? Vous n'avez pas trouvé ça indiscret? Au contraire. Je ne l'aurais pas fait toute seule, vous savez. C'est Pierre qui me l'a demandé. Ah. Il m'a chargé d'un message pour vous. D'un message? Vous lui aviez promis quelque chose la veille de votre mariage, non? Si. Il ne m'a pas dit ce que c'était, il m'a seulement dit qu'il vous tenait quitte de cette promesse. Il veut que vous n'y pensiez plus. Voilà. C'est tout. Merci. Que dois-je lui répondre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il compte sur une réponse? Oh, peut-être pas, vous avez raison. C'est moi qui me suis imaginé que vous aviez peut-être quelque chose à lui dire. Non. Alors c'est parfait. En somme, je peux lui dire que vous êtes d'accord et que vous acceptez de reprendre votre parole. Oui. Bon. Vous ne vous doutez pas de ce que c'était que cette promesse? Dites la vérité. Il ne me l'a pas dit. Mais vous vous en doutez. Je peux me tromper. Il a ajouté qu'il n'avait plus qu'un désir. Vous savoir heureuse. Il a dit ça? Il me semble bien. S'il ne l'a pas dit, il l'a certainement pensé. Alors, si vous lui dites que je le suis, vous croyez que ça lui fera plaisir? Certainement. Il vous aime tant. Eh bien, dites-le lui. Que vous êtes heureuse. Oui, très heureuse. Mais alors, je vous demande pardon, je voudrais être sûre d'avoir bien compris, pour le cas où il me poserait des questions. Cette promesse que vous lui aviez faite, je ne l'ai pas tenue. Ah, voilà. Enfin, je l'ai tenue, un certain temps. Et puis... Oui. Vous comprenez, quand je lui ai dit ça, je ne savais pas que Rémi m'aimait à ce point. Et puis, il a été tellement gentil, tellement délicat. Mais est-ce que je ne vous l'avais pas dit qu'il était gentil? C'est vrai, vous me l'aviez dit. Je m'en souviens maintenant. Chère Agnès, en somme, c'est un peu à vous que je dois mon bonheur. Alors, parlez-moi. Ce sera ma récompense. Racontez. Oh, bien, à la boule, naturellement, ça a été affreux. Le premier soir, j'ai prétexté la fatigue. Il s'est installé dans le petit salon. Mais le lendemain, il a bien fallu que je lui dise. Que vous lui disiez quoi? Que nous serions seulement camarades. Quelle a été sa réaction? Il n'a pas dit un mot. Qu'est-ce qu'il a compris? Deviné, à ce moment-là, je ne sais pas. Il m'a pris la main, il l'a embrassée, et il est sorti. Quand il est revenu au bout de 2 heures, il n'a fait aucune allusion à ce que je lui avais dit. Il ne vous a pas posé de questions? Aucune. Il n'est pas curieux? Si. Seulement il est fier. Et ensuite? Oh, ça n'a pas été très drôle. Le jour encore, ça allait à peu près parce que nous étions tout le temps dehors, sur la plage, ou bien à cheval, en auto. Mais quand le soir tombait, qu'il fallait rentrer, c'était assez pénible. Malgré la somptueuse villa et son merveilleux confort? Oh, je commençais à la prendre en grippe, la somptueuse villa. Heureusement, le 3e jour, Rémi a eu l'idée de ce petit voyage qui nous a sauvés. À partir de ce moment-là, ça a été charmant. Il est redevenu très gai, ou du moins il faisait comme s'il l'était, toujours de bonne humeur, drôle. Enfin, le compagnon idéal. Et vous vous êtes laissé attendrir? Oui. Enfin, non. Pas tout à fait. J'ai commencé par me couvrir de ridicule. Vous? Oui. À quel propos? Eh bien, n'est-ce pas? La femme de Robert Grimaud est assez jolie. Et surtout d'une coquetterie invraisemblable. Ah, voilà. Oui, oh. C'est aussi bête que ça. Elle avait vaguement flirté avec Rémi autrefois, avant son mariage. Je voyais bien qu'elle avait envie de recommencer. Son mari est un brave type, mais physiquement inexistant. Et Rémi est très à son avantage en short et en maillot de bain. Depuis le départ, elle s'était mis dans la tête de monter dans le même canoë que lui. Tant que nous avons été dans les gorges, il a fait celui qui n'entend pas parce qu'il ne voulait pas me confier à son ami pour passer les rapides. Mais quand nous avons été dans la plaine, elle a tellement insisté qu'après le déjeuner, Rémi l'a prise avec lui et je suis montée dans le canoë de Robert. Jusque-là, mon Dieu, c'était normal. Ce qui a commencé à m'agacer, c'est qu'il s'arrangeait toujours pour rester 1 kilomètre en arrière de nous. Nous arrêtions, il nous rattrapait. Et un moment après, ça recommençait. Que disait le mari ? Oh, le mari trouvait ça très bien. Il devait avoir l'habitude. Enfin, une fois, nous les attendons plus de 20 minutes. Ne les voyant pas, nous rebroussons chemin pour voir s'il leur était arrivé quelque chose. Nous trouvons le canoë contre la berge et personne dedans. Ils étaient soi-disant allés cueillir des pommes qu'ils avaient aperçues dans un champ. Vous avouerez qu'on ne se conduit pas comme ça avec un homme qui est marié depuis 15 jours. Marié, si l'on peut dire. Oui, mais ça, elle ne le savait pas. Tout ça n'était pas très grave. Ce qui était grave, c'est que je m'étais rendu compte que j'étais bel et bien jalouse de Rémi. Aïe, aïe, aïe. Naturellement, je ne le lui ai pas laissé voir. Seulement le soir, il y avait un bal à côté de l'hôtel et bien entendu, il a fallu qu'elle danse avec Rémi. Alors là, elle a été tellement incorrecte, se collant contre lui, lui mettant ses cheveux dans la figure, enfin, tout ça, que je n'ai pas pu y tenir. Je suis partie. Seule ? Oui. Je les ai laissés. Je suis rentrée à l'hôtel. Et vous savez combien de temps j'ai attendu ce monsieur ? Près d'une heure. Ah, il s'est bien vengé. Il avait une chambre à côté de la mienne. Quand il est rentré, il a cogné à ma porte. Je m'étais juré de faire comme si je dormais. Je n'ai pas répondu. Mais au bout de 5 minutes, je n'ai pas pu y tenir. Je me suis levée, je suis allée le trouver. J'étais hors de moi. Et lui ? Il était assis sur son lit, il souriait. Je trouvais ça très drôle. Il n'avait pas tout à fait tort. Oh, je sais bien. Et alors ? Il m'a laissé parler, sans rien dire, en continuant à sourire. Quand il m'a vue sur le point de fondre en larmes, il s'est levé, il s'est approché de moi. Il m'a prise dans ses bras. J'ai eu tellement envie qu'il m'embrasse que je crois bien que c'est moi qui ai commencé. Et le lendemain ? Le lendemain, nous avons fait dire au Grimaud de ne pas nous attendre, que nous trouvions l'hôtel agréable et que nous allions y rester. Et vous y êtes restée ? 8 jours. Eh bien. C'est un petit hôtel qui ne paye pas de mine, pas élégant, pas cher, mais... Un cher petit hôtel. Oui. Et puis, mais tout ça est charmant. Qu'est-ce que vous regardez ? J'ai peur que Rémi ne s'impatiente. Comment il est là ? C'est lui qui m'a conduite ici. Il m'attend dans l'auto devant le portail. Pourquoi n'est-il pas entré ? Il n'a pas voulu. Mais pourquoi ? Quoi ? Il pensait que Pierre serait là, ça lui était désagréable de le rencontrer. Il est d'une jalousie terrible. Mais alors, il sait ? Forcément. Vous le lui avez dit ? Oh, il avait à peu près deviné. Ou du moins, il avait deviné quelque chose. Seulement, il croyait que c'était moi qui étais amoureuse de Pierre et que je m'étais mariée pour m'éloigner de lui, tâcher de l'oublier. Il a cru que c'était pour ça que je n'avais pas voulu être sa femme à la boule. Il m'a dit qu'il avait toujours pensé que j'aimais Pierre. Alors il a bien fallu que je lui dise la vérité, il aurait continué à se tourmenter. Et quand la lui avez-vous dite ? Eh bien, là-bas. Dans le cher petit hôtel ? Oui. Pauvre Pierre. Vous trouvez que c'est très mal de l'avoir dit à Rémi ? Pas très mal, non ? Un peu. Je suppose que vous n'avez pas pu faire autrement. Je ne pouvais tout de même pas le laisser s'inquiéter et souffrir pour une chose qui n'existait pas. Non, vous ne pouviez pas. Ah, je le vois ! Il marche de long en large. Vous le voyez ? Oui, oui. Je lui avais promis de ne pas rester longtemps. Il s'inquiète, il est nerveux, pauvre chou. Allez le chercher. C'est pas la peine. Regardez. C'est notre signe de ralliement. Celui des deux qui entend ça doit tout laisser pour venir. Il n'a pas du tout l'air de venir. Tenez, regardez s'il ne vient pas. Il est bien dressé. Oh, dressé, il m'aime, voilà. Lequel est le plus épris des deux ? J'ai bien peur que maintenant ce ne soit moi. Entre, n'aie pas peur, on ne te mangera pas. Ah, vous vous tutoyez. Bonjour, Rémi. Bonjour, Agnès. Tu vois, nous sommes toutes les deux seules, tu es rassurée ? Asseyez-vous, Rémi. Non, non, non, non, merci, il faut que nous rentrions, mon père a besoin de la voiture. Menteur, tu peux bien faire une petite visite à Agnès. Quand ce ne serait que pour la remercier, tu lui dois beaucoup, tu sais. Sans elle. Je sais. Mais non, quelle idée. C'est tout de même vous qui m'avez obligée à le voir le jour de ma fameuse migraine. Sans votre assistance, je restais dans ma chambre et monsieur engainait sa déclaration. Oh, elle serait sortie un jour ou l'autre, tu sais, elle était prête depuis longtemps. Ne serait peut-être pas sortie aussi bien que ce jour-là. Elle était très bien, sa déclaration. Elle est éloquente, vous savez, quand il veut. Je n'en doute pas. Pourquoi ne m'épousez-vous pas? Tout simplement. Tu te rappelles? Mais parce que je ne vous aime pas, Rémi. Mon chéri. Mon amour. Pierre apparaît en haut des marches. Agnès est seule à le voir et son regard fait tourner la tête à Marianne, puis à Rémi. Marianne s'écarte doucement de son mari. Tiens, vous êtes là? Mais oui. Bonjour Pierre, tu vas bien? Très bien. Bonjour Rémi. Bonjour monsieur. Vous m'appelez monsieur? Mais non, voyons Rémi, il faut l'appeler Pierre. Alors, vous avez eu beau temps à la boule? Oui. Mais figure-toi, nous n'y sommes pas restés. Nous nous sommes lancés dans une expédition en canoë sur la Dordogne. Tiens. Maman te racontera ça. Ou bien Agnès. Je ne veux pas l'ennuyer en recommençant mon récit. Mais comment es-tu venue jusqu'ici? Avec l'auto de mon beau-père. Ah, voilà. Il va même falloir que nous la lui ramenions. Il pourrait en avoir besoin, vous ne croyez pas, Rémi? Comme vous voudrez, Marianne. Alors au revoir, Agnès. À bientôt. Au revoir, Marianne. Merci d'être venue. En voyant, ça m'a fait plaisir. Au revoir, Pierre. Au revoir, mon petit. Au revoir, Agnès. Au revoir, monsieur. Au revoir. Il fait froid ce matin. C'est déjà l'automne. Pourquoi es-tu venu? Je croyais que tu ne voulais pas la revoir. Je le croyais aussi. J'ai résisté tant que j'ai pu, et puis j'ai cédé. Si j'avais su qu'il était là, lui, je ne serais pas venu. Je croyais la trouver seule. Il n'a pas l'air de me porter dans son cœur, mon jeune beau-frère. C'est réciproque, non? Tout à fait. Alors? Pourquoi ne sont-ils pas restés à la boule? Ils se sont ennuyés. Ça ne m'étonne pas. Il ne doit pas être distrayant tous les jours. Il n'avait pas l'air gai. Tu trouves? Ça ne t'a pas frappé? Non. Moi, si. De quoi avez-vous parlé? Oh, de tas de choses. Elle m'a raconté leur voyage. Curieuse idée, cette expédition en canoë. C'est de leur âge. Oui. Oui, c'est de leur âge, évidemment. Mais à leur place, j'aurais évité le tête-à-tête. Ils n'étaient pas seuls, ils avaient un ménage avec eux, des amis de Rémi. Qui ça? Les Grimaud. Je ne connais pas. La femme est assez jolie, très flirte, paraît-il. Elle a beaucoup fait la cour à Rémi, ce qui semble avoir pas mal agacé Marianne. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Même si une femme n'aime pas son mari, elle ne tient pas à ce qu'on le lui prenne. Voilà. Éternel illogisme féminin. C'est de la prévoyance. Elle peut ne pas l'aimer un jour et l'aimer le lendemain. Pourquoi dis-tu ça? Tu penses que Marianne pourrait se mettre à aimer ce garçon? C'est une chose toujours possible, non? Pas très vraisemblable. Il paraît qu'ils ont eu une scène assez violente un soir à propos de la dame, mais finalement ça s'est arrangé. Tu n'as pas pu transmettre le message dont je t'avais chargé? Si. Comment? Devant lui? Non, il n'était pas encore là. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a paru assez émue. Elle a accepté? Ah oui, du moins il me semble. Enfin, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais... rien, que voulais-tu qu'elle dise? Oui, évidemment. Et où était-il pendant ce temps-là? Il était devant le portail, il attendait. Et pourquoi n'est-il pas André? Je ne sais pas. Il craignait sans doute de te rencontrer. Moi? Il ne doit pas avoir beaucoup de sympathie pour toi. Tu l'as senti toi-même. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Il a dû se poser certaines questions dans les jours qui ont suivi son mariage, chercher une explication... Peut-être de la lui demander à elle. Tu imagines qu'elle la lui aurait donnée? Tu ne la connais pas. Le mariage change quelquefois bien des choses, tu sais. Quel mariage? Pas le leur, en tout cas. Mais si. Mais qu'est-ce que tu essayes encore d'insinuer contre elle? Mon pauvre Pierre. Quoi, mon pauvre Pierre? Eh bien, allez, vas-y. Sors ce que tu as dans ton sac. Tu mériterais que je me taise. que je te laisse dans ces illusions où tu te complais, qui t'empoisonnent. Mais je t'aime, moi. Plutôt, je t'ai aimé, vraiment aimé. Je ne peux pas supporter de te voir aussi naïf et ridicule. Elle n'a pas attendu que tu la délies de sa promesse. Elle est sa femme, et elle l'aime, et elle est heureuse, très heureuse. C'est elle-même qui m'a chargée de te le dire. Menteuse. Si tu étais entrée une seconde plus tôt, tu l'aurais surprise contre lui, la tête sur son épaule, et tu l'aurais entendu l'appeler mon chéri, d'une manière qui ne laissait aucun doute sur leur entente, je t'assure. Je ne comprends même pas que tu n'aies rien vu. Elle en est folle, tout simplement. Elle lui a tout dit, tu entends ? Tout ce qui te concerne, ton amour, la promesse qu'elle t'avait faite, il sait tout. Oh, ça, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et tu le sais bien. C'est à cause de ça qu'il attendait à la porte, qu'il a été aussi glacial avec toi, qu'il t'en veut d'avoir retardé son bonheur de quelques jours. Pourquoi lui a-t-elle dit ? Parce qu'il aurait pu s'inquiéter, se tourmenter, croire qu'elle t'avait aimé, est-ce que je sais, moi ? Il ne fallait même pas cette ombre sur leur amour. Puis, on ne croit jamais avoir assez donné quand on aime. C'était une façon de lui donner davantage que de te trahir. C'est tout. Tu n'as plus rien à m'apprendre. Non, plus rien. Bien. Je t'ai fait mal, je le sais. Et maintenant, la plaie est nette. Tu pourrais guérir si tu voulais. Mais ça... Tu es très bonne. Merci. Je ne suis pas très bonne. Je ne suis pas non plus aussi mauvaise que tu le crois. Tu penses que j'ai agi dans tout ceci par jalousie contre Marianne, c'est possible. Tu vois, je le reconnais. Mais ce fut d'abord par tendresse pour toi. Peut-être que tu finiras par le reconnaître et par me haïr un peu moins. Mais je ne te hais pas. J'ai traversé, grâce à toi, un dangereux passage. Celui qui sépare la fin de la jeunesse de ce qui vient après. Me voilà de l'autre côté. Du côté où il ne se passe plus rien. C'est très bien. Rassure-toi. Il s'y passera encore bien des choses. Les cœurs sont jeunes ou vieux depuis leur naissance. Le tien est né jeune, il le restera. Je ne crois pas. Il en a pris un bon coup, tu sais, aujourd'hui. Ça se tassera, comme tu dis. Ça m'étonnerait. Ce que j'aimais en Marianne, c'était... L'être pur, inviolé, qui n'appartenait à personne. La jeune fille. C'est si émouvant, une jeune fille. Le reste m'a toujours paru plutôt répugnant, en somme. Tu changeras d'avis, Pierre. Tu as encore beaucoup de temps devant toi. Non. La jeune fille que j'aimais est morte. L'idée qu'elle est devenue comme les autres. Mais peut-être exorcisé, mais je suis pas prêt de m'en remettre. Si je pensais que tu dis la vérité en ce moment, que tu la vois enfin telle qu'elle est, ni mieux ni plus mal que les autres, pareil, je serais consolée de bien des choses, même d'avoir perdu ton amitié. Eh bien, sois heureuse, à ce point de vue-là, tu as gagné. Alors je partirai moins triste. Mais pourquoi partirais-tu ? Ta mère est heureuse ici. Je ne vois plus ce qui t'empêcherait de l'être, toi aussi. Tu ne pourrais plus me supporter. Mais si. D'ailleurs, je vais peut-être suivre le conseil que tu m'avais donné. J'ai envie de partir pendant quelques temps, de faire un voyage. Ah, comme tu aurais raison. C'est la sagesse même. Tu verras comme tout ira mieux au retour. Oui, seulement je ne partirai pas seul. J'emmènerai Juliette. Pauvre Juliette. Je me demande quelquefois si elle n'a pas fait semblant d'être aveugle, si elle n'a pas voulu me faire confiance jusqu'au bout. Si c'est vrai, elle a droit à une récompense. Tu ne trouves pas ? Mais quelle bonne idée. Vous venez d'entendre, dans une production de Léon Ruth, consacrée à 10 jeunes filles dans un siècle, et après une présentation par Marcel Capron, Hyménée. Pièce en 4 actes d'Édouard Bourdet. En voici la distribution. Pierre-André Falcon, Rémi Jean-Pierre Leroux, Jean-François Rosine Favet, Ludovic Marcel Alba, Agnès Lolé Bellon, Marianne Catherine Hubot, Juliette France de la Halle, Madame Daubarède Viviane Gosset, Madame Véron Germaine de France, Monique André Gire, celui qui voit Robert Moncade. Chef opérateur du son Jean Pantaloni, collaboration technique Robert Altabert, assistante de production Yvonne Desfouis. L'émission était réalisée sous la direction artistique de Léon.